Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Nicolas Bissonnette, Alex Thériault-Pinot et Mr. Juice. Merci pour vos dons, les gars. Rétro Nouveau. Salut tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode de Rétro Nouveau. Oh oui, 16e déjà. Ouais. Et puis, ça download rapidement, on est donc bien contents. Yes, quand même. Il y en a plusieurs qui ont répondu, « Ah, je suis content, je peux les downloader. Ouais. » Moi aussi, je peux les downloader. Oui, c'est ça. J'avais pas downloadé. Hey, c'est le fun. Même que maintenant, tu sais, des fois, j'en vois d'autres que ça se download genre à 7 minutes ou à 10 minutes. Ben ouais, c'est bien pourri, ça. Yes! Les autres, on est à 4 minutes, 3 minutes. Ta job, puis ça me prend 2 minutes et demie, je capote. On est vraiment contents, vraiment contents. Donc, et puis on est contents de la réception aussi. D'autres personnes nous ont donné des dons, comme vous venez de l'entendre. Oui. Donc, waouh, ça nous aide là, vraiment. C'est beaucoup. Génial. Donc, vous êtes là, fantastique. Vous l'êtes vraiment. Donc, toi, Bruno, puis moi aussi, cette semaine, on a fait des achats. Ben oui, on a fait des achats, des gros achats à part de ça. On commence par le mien, parce qu'il est pas mal moins original que le tien. Ouais. Moi, je me suis enfin acheté... Ben, c'est quand même original un peu, là, ouais, vu qu'on dirait qu'il n'y a pas grand monde qui ose. Mais non, vas-y. C'est ça. J'ai acheté une 3DS. Ouais. Je l'ai finalement acheté, ma 3DS. C'est fait. Parce que moi, j'utilisais la 3DS de Monsieur Net au moment de faire des critiques. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, j'ai remarqué en passant... que si on veut le programme des ambassadeurs, même si on avait une autre 3DS, ouais, qu'on fait juste changer notre data de 3DS, ça marche plus. Non, ça marche la plus. La nouvelle 3DS va se rendre compte que notre data fait partie d'une ancienne carte SD. Puis ça fonctionne. Ah, tu voulais pas transférer ton data. Ouais, je voulais transférer mon data. Ah, fait mon des achats, tout ça est effacé. Surtout que quand tu te sépares d'une console, parce que j'ai aussi vendu une de mes consoles, j'ai vendu ma DSi XL parce que je m'en servais vraiment plus là, parce que à cause de la 3DS. Fait que là, j'ai vendu ça, puis il a fallu que j'efface mon compte, il a fallu que j'efface toutes mes données. Ça m'a fait un peu freaker, là. Fallait... Ben oui, parce que... Pour réuploader dans ta 3DS? Non, mais c'est parce que j'allais vendre la console, puis dans la mémoire de la console, t'as un compte qui est associé à ça, t'as un compte de Nintendo, t'as une carte de crédit qui est enregistrée là-bas. T'as des informations personnelles, fait qu'il a fallu que j'efface tout ça. Fait que tous les achats que j'ai faits, c'est tout. Mais ça se transfère, ça? Ben, ça se transfère, c'est parce que là, j'ai comme aucune façon de les transférer. Ben, ça me dérange pas vraiment parce que j'ai... Mais les jeux DSiWare, là, 10$, là, 7$. Oui, sauf que ceux-là qui étaient sur ma DSi, j'ai gardé la carte, puis là, j'ai pas accès encore. Je sais que Nintendo va offrir de quoi prochainement pour qu'on puisse faire un transfert. Hey, j'ai hâte de voir si ça va fonctionner, mais en même temps, ça me dérange pas parce que c'est des jeux que je jouais plus. Mais c'est de l'argent que tu as mis là-dedans. Là. C'est ça, j'avais acheté Donkey Kong sur le Game Boy, j'avais fait un autre achat, j'avais acheté Super Mario Land, mais bon, c'est ça, finalement... Attends, là, tu parles d'un transfert de 3DS à 3DS, là. Non, je parle d'un transfert de DSi XL à 3DS. OK, OK. Parce que Mario Land pour était des DSiWare. Elle était disponible aussi sur le DSi. Oui, c'est ça, c'est DSi vrai. XL. Mais celui-là, je l'avais downloadé sur le DSi, sur le 3DS de M. Net. Là, c'est super mélangeant. Mais j'avais fait des achats aussi sur la console de M. Net. Ouais. Puis là, j'ai essayé de transférer ça sur le mien. Ça se transfère pas pantoute. Fait que j'ai tout perdu ça, mais mis à part ça, je suis super content de mon achat. Le gars qui me l'a vendu voulait absolument que je prenne la rouge. Je la trouve pas belle, mon rouge. Là, tu as acheté j'ai pris la noire. Ouais, j'ai pris neuve. J'ai acheté la noire. Moi aussi, la mienne est noire. Là, je la trouve sharp. Ça, tu sais, ça salit moins bien, je sais pas. Ouais. C'est comme... Puis en plus de ça, j'aime ça que toutes mes affaires soient noires. Je sais pas si c'est le fait d'écouter du métal qui fait ça, mais... Ouais, t'es pas mal habillé en noir aussi. Je suis pas mal ténébreux. Non, mais tu sais, tout ce qui est en blanc, ça salit tellement. On travaille tous les deux sur des Mac, là. Tu travailles sur un clavier Mac, là, toutes tes touches deviennent grises, dégueulasses. Tout le monde dit, sacrément, lave-toi donc. Mais c'est pas parce que t'es sale, facilement, tu sais, la poussière, puis tout se ramasse là-dedans. C'est pas le fun. Mais tu sais, moi, ma Wii est blanche, puis la tienne aussi. Ouais, ben oui, parce que au début, tu sais, il me semble que ça ferait beau. 3DS blanche, Wii blanche, tu sais, console blanche. Totalement. Mais il y a une Wii noire aussi qui est sortie, puis je dois avouer qu'elle torche pas pire quand même. Oui, elle est vraiment belle. Mm. Mais tu sais, c'est ça. Fait que bref, j'ai acheté une 3DS, puis c'est parce que, dans le fond, j'ai eu... Pourquoi t'as acheté ça, pourquoi t'as acheté ça, Parce que j'ai eu Mario Land en avance. À l'essayer. Là, on n'est plus à l'avance pantoute, là. Ouais. C'est sorti, ça fait un bout. J'ai eu Mario Land, puis j'ai eu aussi Mario Kart 7 en même temps. Fait que là, je pouvais les essayer, puis tout ça. Puis je me suis dit, à place d'utiliser celle de Monsieur Land, je vais m'en acheter une. Il commence à avoir des jeux intéressants, tu sais. Ouais. Fait que j'ai acheté ça. Je voulais aussi acheter Shinobi. Oui, ça a l'air bon. Qui est impossible à trouver, là, présentement. Non, à Montréal, j'ai plein de la misère à trouver. Chez Big Games. Bon, promenade Saint-Bruno, par exemple. Là. Et voilà. Là, tiens, là, moi, mes parents habitent à ce que tu perds, là. Je suis jamais loin des promenades, fait que je vais faire mon tour. Colin. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est mon prochain achat. Je vais acheter Shinobi. Puis c'est ça, mais bref, je suis hyper. C'est tellement une bonne console. Ben, c'est une bonne petite console. Elle est belle, elle est slick. Il y a du stock à downloader, moi, je trouve, là, en masse dans le DLCware. J'aimerais ça qu'il y ait des jeux de Game Boy Advance puis des jeux de Nintendo, par contre. T'sais, ils l'ont offert avec le. Ouais. Avec le programme des ambassadeurs, c'est ça. Sauf que pour les autres qui ont une nouvelle 3DS, ils peuvent pas télécharger ces jeux-là. Je trouve ça plat. Je me dis, ils n'en feront jamais de jeux de Game Boy Advance. Ben, c'est supposé parce qu'il y a une deuxième livraison qui s'en vient pour les ambassadeurs. Ouais, ça, on va l'avoir. Moi, je vais l'avoir. C'est ça. Toi, tu vas l'avoir. Moi, je l'aurai pas. Suite à ça, ils vont pas en faire d'autres. Ben, d'après moi, ils vont en faire d'autres, puis ils vont sûrement sortir ces jeux-là comme les jeux de Nintendo. Tu sais, à la limite, OK, c'est correct de garder l'exclusivité un certain temps, mais là, la 3DS a besoin de jeux. Fait que pourquoi ne pas mettre ces jeux-là 5$? Puis, Donc, les gens l'achèteront, puis il y en aura qui l'auront eu gratuitement, puis c'est tout, tu sais. Oh oui. Mais, moi, j'ai pas de problème à acheter Super Mario Bros. 2 à 5$. Ben non, pas du tout. Aucune mal. Ben non, vraiment pas, là. Mm. Fait que c'est ma seule déception. Moi, je sais pas, le eShop, je le trouve le fun, mais je trouve Il est pas assez bien garni. C'est comme le Wii Store. La Virtual Console. La Virtual Console, tu sais. Il y a des bonnes choses, mais bon, ça va lentement. Quand tu penses à tout ce qui pourrait avoir. L'interface n'est pas terrible. Ouais, non, il n'est pas terrible non plus, effectivement. Mais bon. En tout cas. Anyway, j'ai une 3DS. Je suis super content. Puis je pense que c'est un bon achat. Si vous voulez l'acheter. Elle n'est pas chère, en plus. Non, elle n'est pas chère. 169. Ouais. Présentement, ça vaut quand même la peine parce que bon, il y a des jeux qui sont sortis enfin, des grosses licences qui sortent, qui sont intéressantes, surtout Mario. Il y a Kid Icarus qui s'en vient. Ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Il y a le nouveau Resident Evil. Star Fox est disponible. Il y a beaucoup de gens qui aiment Ocarina of Time, sauf moi. Ouais. Fait que je vais avoir ça aussi. Là. Cave Story 3D qui est sorti. Cave Story que 3D. Je vais demander à Noël puis que je vais sûrement faire la critique après les fêtes. Ouais. Bit Trip Saga aussi en passant. Ouais, excellente série. Fait que un bon achat à faire à Noël, c'est très intéressant. Moi, c'est en attendant la Vita, parce que la Vita va sortir. Ouais, va arriver, tu vas être là-dessus. Oh boy, mon gars, je vais être tellement fatiguant, là. Attendez de voir ça en février. Mais j'ai vu aujourd'hui sur My Nintendo News qu'ils avaient essayé de porter Super Mario Galaxy 2 sur la 3DS. Wow. Il avait tenté le coup, mais ça marchait pas. Okay. Mario était trop petit, ça jouait mal. Okay. Mais en tout cas, moi, peut-être qu'ils se sont pas essayés assez fort, là, je sais pas, mais il me semble que ça se pourrait. Ça serait hot, mais plus, à 3DS, comme tweaker autrement, ça pourrait être bien intéressant. Ben, d'ailleurs, là, le podcast sort lundi. Vous êtes lundi matin puis vous écoutez le podcast, mais parce que c'est la première chose que vous faites, exact. Bien sûr, en vous levant. C'est ça que vous faites. Puis on salue Joël Martel qui fait probablement sa vaisselle. Ouais. Puis en passant, c'est ça. Moi, je vais faire la critique ce jeudi de Mario, de Super Mario 3D Land. Donc, je vous en parlerai pas à soir parce que c'est un jeu qui s'en vient sur Monsieur Net. J'ai bien hâte de le critiquer parce que justement, par rapport à Super Mario Galaxy et tout ça, j'ai beaucoup de points à dire. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, toi aussi, tu as acheté de quoi cette semaine? Oui. Puissant, là. Un achat quasiment loufoque parce que je cherchais Skyrim au Xbox 360. Pas pour moi. Parce que ma conjointe est travailleuse sociale et dans le temps des fêtes, les jeunes qui sont dans le troupe, finalement, ont un cadeau genre du Père Noël. Là, c'est une petite gamine qui demande quelque chose jusqu'à 50$, entre 30 et 50. Puis nous, tu sais, des gens se proposent d'acheter. Fait que moi, à chaque année, je participe. Puis là, Catherine, bon, elle sait que j'aime les jeux vidéo, hein, quand même. Il y en a partout chez eux. Fait qu'elle a pogné un billet d'un jeune qui voulait un jeu vidéo. Donc, il voulait Skyrim ou Xbox. Il fallait que je trouve ça pour 50$. Mais tu sais, il est genre 60$ au magasin, plus taxes, tu sais, toute la patente. Donc, j'ai cherché sur Craigslist, ben un peu partout. Puis sur Craigslist aussi, juste pour voir. Je l'ai trouvé. En tout cas, pour faire une histoire courte, ça marchera pas. On a changé de billet, il était trop tard, whatever. Mais tu sais que j'ai tout le temps voulu avoir un Intellivision. J'ai d'ailleurs 10 jeux d'Intellivision chez nous et auxquels je ne pouvais pas jouer. C'était une console que mes parents ont joué pendant... Quand moi, j'étais un enfant, là, très, très jeune. Fait que, tu sais, mes parents ont joué à ça, là, sans arrêt. Là, j'ai cette console-là dans la tête. Alors, pendant que j'étais sur Craigslist, j'ai fait un petit search Intellivision. J'ai trouvé un gars... qui vendait 5 Intellivisions plus 50 jeux. Pour 100$. Là, je fais, wow, 100$, tu sais, pour 5 Intellivisions. 5 Intellivisions puis 50 jeux. Fait que, fine, là, j'ai dit, OK, à 80, je vais le chercher chez vous. Ça fait-tu ton affaire? Ah, oui, oui, il faut que ça parte. Là, j'ai demandé aussi, ben parfait, c'est bon, mais il marche-tu, tu sais? Ouais, il y en a-tu un des 5 qui marche? Ouais, c'est ça. As-tu toutes les câbles, tu sais, puis les jeux, c'est-tu des doublons? Il dit, les jeux, il y a quelques doublons, il y en a qui marchent pas. Et il sait pas si toutes les consoles fonctionnent. Il en a essayé deux, il y en a deux qui marchaient, puis il manque quelques câbles, tout ça. Fait que, tu sais, ben déjà, 5 télévisions, puis genre 60 jeux, parce qu'il y avait plus de jeux, finalement, il y en avait genre 60. Tout ça pour 80$, c'est un méchant bon deal. Fait que là, j'ai dit, oh, tu sais, tes consoles, là, on sait pas s'ils marchent, fait que 60. Là, il dit, ah, OK, là, 60 pour vraiment que ça parte. Parfait. Fait que je suis allé chez eux le soir même, à Côte-Vertu, mon gars, là, Boulevard Cavendish, coin Côte-Vertu, là, vraiment loin. Moi, j'étais au métro Frontenac. Puis, finalement, je pensais que c'était des modèles 1, puis c'était des modèles 2. Il y a eu deux modèles d'Intellivision parce que toutes les consoles font ça dans la vie. T'sais, ils sortent, puis après ça, ils en font une autre version plus petite, plus performante. Fait que c'était ces 5 modèles 2 que j'ai. J'en ai juste testé une, et puis elle fonctionnait très bien. J'ai essayé une couple de jeux, les jeux fonctionnent. Okay. J'ai genre... j'ai 20 manettes, tu sais, j'ai des paquets de jeux. J'étais rentré chez nous avec 3 boîtes de stock. Là, ma blonde est en train de se regarder avec une « come on! » Ben, ça a pas d'allure. Ben, c'est ça, elle donnait le bain en haut à notre fils, puis moi, je rentrais mes 3 boîtes de jeux dans le deuxième salon qui est déjà jam-pack de mes affaires. Puis là, je me disais, il me semble que Chris, c'est une maladie, là, puis que ça a pas d'allure. Aïe, il me met ça, là. Ben, c'est un bon deal, tu sais, qu'est-ce que je fasse? Fait que, c'était pas cher. J'ai acheté 5 à télévision, Chris. Merde. Je l'aurais pas fait. Mais la première chose à faire, j'ai regardé mes jeux. J'étais allé sur eBay puis sur Internet surtout pour regarder la valeur. Donc j'ai un ou deux jeux. Ben j'ai deux jeux à peu près qui valent 30$. Puis j'ai pas de jeux là, méga spécial là, qui vont une centaine de piastres. Mais quand même, juste avec 2 cassettes, déjà, je rentre dans mon argent. Tu fais déjà ton argent, c'est fait ça. Que bon, je prévois pas garder 5 à télévision. Je vais toutes les checker. Ça, je vais pogner les câbles qui me manquent, je vais les mettre propres, je vais sûrement essayer de les revendre en bundle. Si t'en veux un dans ton chalet, là, c'est un jour dans le chalet, là, je t'en filerai un. Fait que c'est ça. Donc, je suis bien content d'avoir mes 5 télévisions. Je vais faire le ménage de ça. Je vais poster aussi sur le blog bientôt. J'ai pris des photos, puis je vais mettre des photos là-dessus sur le blog. Là, vous allez voir c'est quoi une télévision ou deux. D'ailleurs, si t'avais un jeu, un jeu direct en partant dans la liste que t'as pogné, t'as frappé, que t'avais vraiment hâte de jouer, ça serait quoi? Ben là, vu qu'on est aujourd'hui, ça serait Burger Time, parce qu'on va parler de ça. Mais non, c'est tous les jeux que mes parents avaient quand j'étais jeune. Okay. Night Stalker, Frog Pop. T'avais-tu un jeu de course que c'était comme une espèce de circuit en 8? Là? J'ai des jeux de course que c'était je n'ai pas vu. Pit ou Pole Position ou un affaire c'est de pas même. Pole Position. C'est pas Pole Position, mais moi c'est le jeu que je me souviens là, de la télévision. Là, j'ai des légers souvenirs par rapport à ça. C'est la manette avec un dial, genre. Oui, c'est comme une manette de Coleco, sauf que dans le bas, le rond, c'est pas un petit joystick rond qui sort, c'est comme une pastille que tu peins. Ah oui, c'est ça. Puis, c'est comme ça, le Sega Master System là, à plusieurs directions, genre. Oui, mais même lui, ce truc-là, il ressort la manette, mais pour la télévision, il ne ressort pas. Okay. C'est vraiment un cercle, c'est vraiment une pastille là, d'à peu près un pouce de diamètre, là, comme rond. Puis, c'est ce qui fait que tu n'as pas de direction précise. OK. Okay. Donc, moi, je voulais jouer à Lock and Chase, qui est un genre de Pac-Man, là, pour en faire une histoire courte, que mes parents jouaient. Puis, ça se contrôle mal, mon gars, là, c'est dégueulasse. Okay. Mais j'ai vu que tu peux avoir un arcade stick qui te colle sur des. Que tu peux mettre là-dessus, puis ça aide là, à être capable de jouer à quelque chose. Mais non, je suis bien content. Aye, aye. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, par rapport à ça. Ouais, c'est ça, mais avec le modèle 2, c'est ce qui est intéressant. Le modèle 1, il y avait le power supply était dans la machine. Fait que t'avais juste un fil qui sortait. Mais si ton power supply saute, ben ta machine saute. Okay. Parce que là, maintenant, le power supply est externe, mais il y a comme un voltage différent d'un power supply normal, ce qui fait que c'est difficile de trouver des power supply. Là, j'en ai juste deux. J'en ai trois pour cinq consoles, vois-tu? Fait qu'il faut que je me grade de ça. Puis, je veux aussi en faire modifier une pour avoir une sortie à RCA, là, tu sais, pour avoir une belle image. Donc, c'est ça. Nice. Mais je vais faire le ménage, puis je vais vous montrer ça. Je suis bien content. Ouais. Hey, rétronouveau.ca, c'est notre site. Allez-y vraiment en grand nombre. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui écoute le podcast qui sont peut-être même pas au courant qu'il y a un site web. Le site web, c'est vraiment rétronouveau.ca. Vous allez voir, ça va vous rediriger sur un Tumblr. C'est notre infrastructure. Ouais. Puis c'est ça, il y a une nouvelle que moi j'ai mis, c'est une vidéo. Un deuxième vidéo sur Gotham City Imposters. C'est un jeu qui s'en vient. C'est un first-person shooter qui va sortir sur XBLA et PlayStation Network. Puis ce que c'est, en gros, c'est que tu te déguises en Joker ou en Batman ou en un des personnages des séries, des comic books de Batman, puis tu fais des guerres, tu sais. Okay. Fait que tu fais c'est comme des guerres de gang. Puis ce qui est le fun, c'est que... Ben, des guerres de gang. Des guerres de gang. Puis c'est ça, mais ce qui est le fun, c'est que Warner Bros. Porte énormément d'attention aux détails par rapport à ce jeu-là jusqu'à maintenant. Il n'y a pas énormément de vidéos, de gameplay, mais ils nous servent des vidéos d'animation, des clips d'animation superbes, comme dans le dernier. C'est un gars qui s'en va dans un taxi, puis qui dit OK, je suis en retard à un meeting, là, ouais, grouille tout le cul, là, j'étais cœuré d'attendre. Puis il engueule le gars du taxi, c'est vraiment un douchebag, là, il est pas cool. Puis tu vois qu'il commence à se maquiller en Joker peu à peu, puis que c'est long son affaire. Finalement, il arrive à son rendez-vous. Il garoche le cash sur le gars de taxi. Le gars de taxi, c'est une espèce de gros balourd avec une grosse moustache en U. Il a l'air assez badass. Fait que là, lui, je suis en retard, mais désolé, c'est à cause de ce gros cave-là. Puis finalement, le gros cave, il pogne son téléphone, puis il dit, OK, je suis au bon endroit, c'est beau. Il met sa cagoule de Batman, il sort de son char, toute la gang, ils s'en vont. Quand ça aille, la gang de Joker, c'est débile, là. C'est vraiment, vraiment cool. Puis je trouve ça intéressant comme formule pour intéresser les gens au jeu à la place de nous pitcher des « ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça ». Là, c'est plus concept, concept, concept sans arrêt. Puis on a vu il y a des images sur le web de ce que ça va être. Ça va vraiment être un genre de first-person shooter. Il va y avoir une grosse communauté, puis tu vas pouvoir personnaliser ton personnage comme tu veux, puis c'est ça qui va faire qu'il va être aussi cool, tu sais. Te mettre en gang avec du monde online pour avoir c'est ta ça. Gang. Fait que moi, je trouve le concept super intéressant, puis je trouve ça le fun d'avoir comme un jeu qui est basé sur un phénomène c'est devenu un phénomène de la pop culture, finalement, les espèces de faux super-héros, les gens qui se disent super-héros, puis qui vont se mettre un costume la nuit, puis qui vont essayer de combattre le crime, mais que finalement, ils ont juste du pepper spray dans la station pathétique, en fait. Là. Ils peuvent pas faire grand-chose, puis ils peuvent se faire casser la gueule, tu sais. D'ailleurs, une autre affaire, petit commentaire là, par rapport à quelque chose que j'ai vu qui était écœurant, c'est To Troll a Predator. Puis ce que c'est que c'est des jeunes qui s'habillaient en costume de super-héros, genre en Batman. OK. Puis je l'ai pas mis sur le site parce que c'est quelque chose qui est un peu touché. C'est ça, ils s'habillent en costume de Batman. Puis ce qu'ils faisaient, comme l'émission To Catch a Predator, qui est dans le fond des gens qui font des appâts, qui vont sur des chats, puis qui écrivent nom d'une petite fille, admettons, de 14 ans, puis qui pogne des pédophiles, tu sais, qu'après ça, ils arrivent avec une vanne, puis go, go, go, puis ils pognent le gars, puis c'est fait. Sauf que là, ce qui est cool, c'est que c'est des gars c'est des gars qui ont fait ça avec des avec un costume de Batman. Fait qu'ils pognent le gars comme de fait, admettons, il envoie une photo d'une fille de 15 ans, puis la fille, finalement, il se fait passer pour une petite fille qui va avoir du sexe avec le bonhomme. Le bonhomme, il a comme 45-50 ans. Fait que là, il rencontre un endroit. Puis là, lui, il est habillé en Batman. C'est comme, « I know who you are. Show me your face. You are a fucking pedophile. » Tu sais, c'est vraiment écœurant parce que le gars, tu sais, il utilise la voix de Christian Bale. Tu sais, c'est tellement... Cette voix-là, moi, désolé, mais elle me fait vraiment rire. Quand elle est pris hors contexte, ça, c'est tellement... Ben, même en contexte, dans le film, moi, la première fois, déjà, ça m'a... J'avais de la misère au premier film. Much. Deuxième film, ça a comme fonctionné pour moi, mais c'est très drôle quand le monde l'utilise à des fins comme ça. Puis, ils ont pogné des pédophiles de même. Ce qui est dommage, c'est que... Ben, ce qui est dommage, dans le fond, c'est bon, c'est que les autorités ont vu ces vidéos-là sur YouTube, puis qui étaient très populaires, puis ils ont décidé de les retirer parce que ils disaient, tu sais, si vous les retirez pas, on va avoir des recours à justice contre vous autres parce que vous avez pas le droit de faire ça, vous savez pas contre qui vous pouvez tomber, tu sais, si vous tombez sur une espèce de maniaque, quelqu'un qui voit le Batman arriver, il pète les nerfs, puis il tape, là, tu sais, puis il tue, ou il se passe de quoi de terrible. Fait que, c'est pas celui qu'ils avaient mis originalement qu'ils ont mis, mais ils sont encore sur YouTube. Donc vous cherchez ça, To Troll a Predator, puis vous allez pogner, il y a 4 épisodes, c'est vraiment délicieux là, c'est écœurant. Alors, la discussion d'aujourd'hui, c'est une discussion que j'avais envie de faire justement à cause de tous mes achats dernièrement. À cause de tes 5 émissions. Puis vu que je poste sur le blog tout ce que j'achète, j'avais envie qu'on parle du cash qu'on met dans les jeux vidéo par mois, mettons. Ouais. On avait parlé un petit peu avec Joël aussi la semaine passée, tu sais, comment le roulement des jeux, on achète toutes les nouveautés. Ben oui. Fait que, en ce qui me concerne, là, je regarde ça, là. Moi, j'ai pas de budget. T'sais. Moi, dans la vie, j'ai jamais eu de budget. Ouais. Puis, ça marche bien quand même, mes affaires. Je suis pas mal à jour, j'ai de l'over. Fait que je me paye pas mal ce que ça me tente. Mais j'ai jamais été excessif non plus. Là. J'ai jamais capoté avec rien. Là. Donc, tu vois que j'achète une PlayStation 3, genre 4 ans plus tard. Parce qu'il y a pas cher. Ça a pris un bout quand même. Fait que c'est ça. Mais je me rends compte qu'une chance que je me fais pas. Je regarde pas tout. L'argent que je mets là-dedans, mais il me semble que ça en fait pas mal. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que moi, tu sais, des fois, je m'achète des affaires, mais toi, tu les mets sur le site. Tu sais, t'as une ancienne chronique qui s'appelait Acquisition sur Papa Cassette que t'as continué sur Rétro Nouveau. Merci d'ailleurs, c'est vraiment cool. Ben, moi, j'aime ça. Puis c'est vraiment cool. Les autres sites qui font ça aussi. Oui. Tu sais, j'avais bien du monde qui. Parce que moi, tu sais, je le fais pas parce que dans un sens, tu sais. Moi, mes acquisitions, c'est des jeux que pas mal tout le monde s'achète. Puis les autres jeux, j'aime mieux les garder comme en surprise pour Rétro Nouveau. Mais toi, t'en achètes beaucoup plus. Ben, j'achète des vieilles affaires aussi. C'est ça. J'ai expliqué où est-ce que j'achète les affaires, puis pourquoi ils n'ont pas été chers, pourquoi je l'ai acheté. Ben oui. J'en fais des. Parce que c'est un court deal quand même. T'es bon là-dedans aussi. Comme quand il y en a, tu expliquais ton jeu, tu sais. Le jeu que tu voulais acheter pour le gars à job de ta blonde. Que t'es allé voir sur Craigslist, puis tout, tu sais. Moi, la plupart du temps, là, c'est vraiment facile mon affaire. C'est je m'en vais chez Future Shop, là, c'est comme, ah, il en reste plus. Je m'en vais chez EB Games, ah, il y en a, je l'achète. Ou je vais au Microplay parce que je m'en vais me louer un film. Ben oui, je fais encore ça. Puis je m'en vais me louer un film. Ou même des fois, je m'en vais me louer un jeu, tu sais. Puis t'achètes. Ben, c'est tout le même prix des jeux neufs de toute façon. C'est pas bien compliqué. Pas mal, tout. Mais des fois, je t'avoue qu'il y a des places où tu vas sauver du cash. Tu vas sauver comme une dizaine de piastres. Puis des fois, il y a aussi y a certaines places qui s'ajuste dépendant de la popularité du jeu. Microplay sont bons là-dedans. Moi, c'était le fameux... le fameux Medal of Honor. Là, je l'avais vraiment pas payé cher. Puis c'était eux autres qui ont fait une baisse de prix à un moment donné. Ils ont fait comme, regarde, ça marche pas. Il n'y a personne qui l'achète. Nous autres, on le drop. Ils l'ont droppé comme à 16,99. Ça, c'est génial. Je cours ces genres d'affaires-là. Ben oui. Ce qui est avantageux aussi pour un gars qui achète ses consoles sur le tard comme moi, c'est que tous les jeux que je veux avoir sont rendus pas chers, là, tu sais. j'achète des jeux de PlayStation 3, mon gars. Là, dernièrement, ben, j'étais acheté Castlevania Lords of Shadow. Tu me l'as vendu 10$ chez EB Games, il était genre 17. Pas cher, 17$ pour cher. Un jeu de même. J'ai acheté Heavy Rain, 15$. Tellement 9, bon, Heavy Rain. Je le veux, Metal Gear. Mais c'est ça, ça fait un bout, là, Heavy Rain. Oui. Ça fait un plus là, vous autres, vous écoutez ça, c'est Heavy Rain. Ouais, c'est quand ils sont bien out, tu sais. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas, parce que je les conserve, ces jeux-là. Ouais. Je les ai, ils sont tout le temps dans ma bibliothèque, puis à un moment donné, je vais y revenir. J'achète pas de la merde, tu sais. J'achète les bons jeux, ou les jeux comme que je sais qu'ils vont devenir rares. Mais tu fais quand même un peu de recherche avant d'acheter un jeu. Là, t'achètes pas... J'achète pas. Impulsivement parce que tu regardes la pochette, tu fais comme, ah, ça a l'air cool. Fait que ou, tu l'achètes. C'est ça. Ou il y a du monde, qui a des rétros, des collectionneurs aussi, qui achètent des batchs énormes de jeux, mettons, de PlayStation 2, tu sais, pour en avoir le plus possible. Ouais. Moi, c'est pas le plus possible. C'est la qualité ou la rareté. Mm-hmm. Ou, mettons, un jeu que j'ai très à cœur, là, que je vais essayer. Ouais, donc, des fois, j'ai le côté nostalgique, là, quoi, t'as bien trippé quand t'es jeune. Je me suis fait pogner d'ailleurs cette semaine avec ça. Je vous en parle tantôt. Ah, OK. C'est bon. Mais... Fait que, ben, tu vois, là, je suis dans la section acquisition de notre site. Là. Ouais. Fait que là, les deux Kirby Wii, que j'ai eu un deal chez EB Games, les deux pour 60$. Aliens Infestation, 30$. Burger Time Deluxe, ça c'était pas cher, 3$. Ouais. Castlevania, 10$. Galaga, 10$. Muramasa, Odin Sphere, 20$. Ouais. Afterburner, je pense, ça c'était 5$. Ici, ah, ça c'est un deal, là. 10$ au Club des collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Comme 7$, 20$, plus 10$, ça fait 17$. Des câbles ici pour mon Sega Master System. Puis là, bon. Ça fait un autre 12$. Puis Beautiful Joe puis Heavy Rain, les deux ensemble, un autre 20$. Ouais. Fait que ça, c'est ce mois-ci. Là. Attends un peu, là. 2, 3, 9, 17. Ah, Chris. Ça fait quand même... 170$. Mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est à peu près pour ce mois-ci. Là. T'as quand même pas mal de stock. J'ai beaucoup de stock pour ce prix. Maintenant, tu sais, des jeux, comme mettons, moi présentement, à cause de. Je suis comme un. T'aurais trois nouveautés, mettons. Ouais, c'est ça, exact. Et moi, j'ai cinq télévisions. Ça, je ne les ai pas comptées. Ouais, c'est ça, cinq télévisions. En plus, t'aurais dû ajouter 60$, ça fait 230$. Pour 230$, en plus, j'ai genre 70 jeux dans la télévision, puis 5 télévisions, des consoles. Sauf, tu sais, c'est ça, comme moi, présentement, à cause de Zelda, à cause j'ai passé autant de temps à Zelda, ouais. Comme il y a du monde, il y a certains d'entre vous qui jouent probablement à Skyrim, puis qui ont perdu des heures et des heures, qui ça a pu... Qu'est-ce qui existe? Ils n'ont pas suivi leur série. Leur blonde pleure en les regardant jouer. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai comme perdu beaucoup de temps. Fait que c'est bon j'ai pour pas joué à Batman. Ouais, c'est bon pour mon portefeuille. Parce que, tu sais, j'ai pas joué à Batman. J'ai pas joué à Saints Row. J'ai pas joué à quoi, Colin? J'ai pas joué à Battlefield. J'ai pas joué à Modern Warfare. Il y a plein de jeux que j'ai manqués pendant ce temps-là. Là, c'est le fun, cette semaine, je me promenais, j'avais mis sur le site, d'ailleurs, j'ai fait comme, non, sur mon Twitter, j'avais mis, ben, tu sais, des fois, ça vaut la peine d'attendre, tu sais. Ouais. Puis, quand je fais ça, je me dis, ah, Dom serait fier de moi. Parce que moi, je suis vraiment impulsif. T'es impulsif, j'suis vraiment un acheteur impulsif, puis j'aime acheter. J'aime tellement ça, acheter quelque chose. Là, c'est sûr. Fait que, tu sais, je suis un gros consommateur. Là. Si c'était juste de moi, là, je n'achèterais, écoute, là, sans arrêt, là, puis j'aurais probablement même pas le temps de tout y jouer. Mais ça sert à rien de faire ça, tu sais. Non. J'aime mieux, comme, peut-être, n'acheter un ou deux. Surtout dans mon cas, parce que moi, je suis pas un collectionneur. Fait que, tu sais, moi, je veux jouer au jeu, le finir. T'en gardes 5, 6, peut-être une dizaine de chaque console, c'est là, ça. De ce que j'ai vu dans tes armoires, puis ben, le reste, parce que ça roule. Ceux-là que je garde, il y a deux raisons. Soit, la première, c'est que quand je l'ai fini, il valait plus rien. Ça... Ouais, des fois, c'est parce qu'il valait plus rien. Puis des fois aussi, c'est parce que j'ai trouvé ça tellement merveilleux que je veux le recommencer, tu sais. Ah ouais, ça t'arrive, ça? Je veux le recommencer, ça m'arrive, tu sais. Fait que ça m'est arrivé, entre autres, c'est Mirror's Edge, ça m'est arrivé ouais. Avec Heavenly Sword. Sur la Wii, ça m'est arrivé avec Gegard et le Punch-Out, je l'ai jamais vendu. Ouais, parce ouais. Que, tu sais, j'ai toujours du fun à y rejouer. Fait que, tu sais, il y en a certains que je garde, tu sais, comme là, Uncharted... j'ai les trois, puis je veux les garder les trois parce que c'est des jeux vraiment là, que j'adore. T'sais. J'ai vraiment du fun, ouais. Puis je veux y rejouer, je veux les revoir, je veux les montrer à du monde. Fait que, tu sais... T'as une version Greatest Hits, par exemple, ça vaut moins cher. Ouais, je vais te le dire. Ben, je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Ça, c'est bien. C'est très bien. Fait que, non, c'est ça, puis je trouve ça le fun, parce que là, c'est ça, j'ai attendu, méga parenthèse, j'ai attendu, puis finalement, j'ai vu que Batman était 39$ au Future Shop pour un temps limité. Ah, pour un temps limité, ouais. Il essaie, dans le fond, probablement qu'il essaie de mousser les ventes, parce que là, à cause de toutes les grosses sorties qui sont sorties, bravo Bruno, ainsi que Skyrim, tu sais, ça tue d'autres jeux, là. Ouais, c'est clair. Fait que Rocksteady, présentement, ils ont dû se dire, hey, Batman traîne de la patte, là. Ah ouais, ben, c'est le prix un peu. Puis c'est le fun, tu sais. Moi, je l'avais vu, ben, je l'ai pensé pas mal ce mois-ci. Ben, ouais. J'ai acheté Portal 2 comme ça. Ça fait pas si longtemps, Portal 2 quand même, un an. Tu l'as acheté non, ça fait un an. Non. Attends une minute. C'était au début de l'été, il me semble, Portal 2, parce que cet été, j'en parlais avec du monde. Il me semble qu'on en a parlé même avant les vacances à Monsieur Net. OK. Fait que, toi, je vais payer, je pense, 35-40$. Ouais. C'est le prix, là. C'est un jeu neuf, c'est 60$. Portal, il a commencé à 40$. Ah. Oui, parce que c'est pas un jeu comme les autres. Non, t'as pas fait de deal. Tu pensais que t'étais... Ben, je pensais un peu. Ouais. C'est pour ça que je l'ai acheté. Là. Non, Portal, il a peut-être commencé à 59$. Je parle à travers mon chapeau. Là. Mais ça fait longtemps... Ça fait longtemps qu'il est 39$. Ouais. Puis moi, c'est ça. J'ai regardé tout ça, là. Puis le cash que je dépense dans les jeux. Puis il y a tu des... Tu pourrais avoir une pas mal plus grosse maison. Ouais, tu sais, c'est juste que pour acheter ça... Faut pas regarder ça, en fait. Je me prive de, d'autres choses, des fois. Puis c'est ça qui est dommage. Comme t'as toujours voulu avoir un four à raclette. Ben oui! Un four à raclette, faut que je m'achète une nouvelle hotte. Faut que tu t'achètes une hotte. Hey, c'est-tu chiant ça, ta barouette, acheter une hotte. Ah, il faut ce qu'il faut. T'as-tu déjà eu à acheter une hotte? Mes parents ont changé la leur il y a pas longtemps, puis ça a été un beau bordel de changer ça. Là. C'est greasy au max. J'ai pas le goût. J'ai pas le choix, tu sais, plus. Ah ouais. Non, en tout cas, anyway, c'est pas rétro cuisine, c'est rétro nouveau. Mais anyway, c'est ça, moi des fois, je dépense là-dedans, je me dis comme merde. Parce que des fois, j'ai le goût d'acheter des. Je suis un gros fan de comic book, tu sais. Fait que des fois, je me dis, je pourrais m'acheter un bon trade paperback là, à 60$, là, une bonne série au complet. Mais non, finalement, je m'en vais vers le magasin de comic book. Puis là, je vois ça comme il est sorti. Fait que là, je l'achète, tu sais. Puis des fois, ce qui est poche, c'est que quand tu fais ça, puis quand t'as deux enfants. Ouais. Ben, anyway, t'as pas le temps de jouer à trois jeux en même temps. Puis en plus de ça, tu sais, je fais des critiques ici, je fais des critiques à Monsieur Net, tu sais. Fait que, faut jouer au jeu, là. Fait que le temps que j'ai à jouer à ces jeux-là, il est pas gros, là. Non, il est pas gros, c'est clair. Ah, moi, c'est à chaque fois. J'ai jamais. Ben, tu dis, tu sais, tu coupes. Quand t'achètes des jeux, tu coupes dans d'autres jeux. Ouais. Moi, j'ai l'impression de couper dans le linge, man. Ça fait 3 ans que j'ai l'impression que je m'habille pareil. Faudrait tellement. Ouais, t'en as déjà parlé, ça, dans les premiers épisodes. Pour vrai? Oui. J'ai dit que ça veut dire que. Dans les premiers épisodes. Faut vraiment que tu t'achètes du linge, man. Du linge. J'aimerais ça être plus fashion. Faudrait que je m'en achète plus, mais j'ai pas le temps. Ou, tu sais, en tout cas. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que, tu sais, un achat impulsif de même chez Games, Heavy Rain, 15$. Moi, je t'ai 15$. Mais c'est rien 15$ pour moi. C'est là. Mais c'est des 15$ par-ci, puis des 5$ par-là. Puis pense au Club Vidéotron. Ben, même pas. Je marchais sur Masson. On s'en allait au magasin de jouets avec mon fils. Mais là, on passe devant un Vidéotron. Là, on va-tu, tu sais, dans le Vidéotron, checker? Ah oui, c'est ça, il y a peut-être deux jouets. Ben, c'est ça, on va aller voir s'il n'y a pas Flash McQueen 2 usagé pour Eloi, là, tu sais. Fait que moi, tout de suite, en rentrant, je m'en vais dans un jeu. Le tableau, on enlève les yeux, comme. Mais, non, elle est quand même cool là-dessus, elle ne fait pas de trouble, mais tu sais, je vois Spyro 2. Oh, ouais. Spyro le premier au PlayStation, c'est 10$ plus taxe. Ben, je l'ai acheté, tu sais, puis ça a frôlé que j'achète un autre jeu de Wii, en tout cas. Mais c'est trop facile, c'est vraiment une maladie. Mais ben oui, je suis pas capable. Mais c'est parce que toi en plus, t'as une pire maladie que la mienne parce que t'es collectionneur. Les gardes, tu sais, je me dis fait ça va être bon dans ma collection. T'achètes Spyro, même du stock que tu joues pas. Ouais, Spyro, je jouerai jamais à ça probablement, mais je me suis dit Skylander sort, tu sais, puis ça c'est le premier des premiers, il est en bon état, c'est pas version Greatest Hits. Je vais l'acheter, ça va être propre, tu sais, je l'achète. Pourquoi t'as pas décidé de collectionner des têtes à la place? Ça prendrait moins de place. J'aurais des gros cartables, je serais tout en voyage. Pour mettre des cartables au OnePlus, puis tu sais. Mais je décide de rien, là. Sauf collectionner des scènes. Ah, non, c'est collectionner des scènes, des... Mais j'y joue à mes jeux, là, quand même, là. Tu sais, mais tu sais, quand j'achète 70 jeux dans la télévision, là, je les passe pas un par un, là, tu sais, puis j'ai pas le temps, de toute façon. Je sais pas pourquoi ça me ferait triper, là, genre, j'essaierais, comme... Une minute, ah, ça m'a... Ben, c'est de même qu'on consomme les jeux de vieille génération comme ça, mais tu sais... Ça... Parce que les nouveaux, c'est long, tu sais. Ben oui, tu rentres tutorial, puis là, système update. Oui, c'est ça, système update. Non, dans le temps, c'était pas compliqué, là, mais effectivement... Parce qu'elle rentre la cassette, là, elle marche pas, là, maintenant... Tu joues deux minutes, je suis pourri, en fait, quand même, je fais un autre jeu. Ben, c'est de même que ça joue. Tu peux pitcher, en plus, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça maintenant, je veux dire, tu peux faire ça avant. Ah, tu peux tout faire avec ça. Oui. Mais, non, c'est ça. Je joue dans mes jeux, mais fuck, c'est une maladie. Il va falloir que je check ça. Mais bientôt, je vais me mettre à vendre sur eBay. J'aurais pas le choix. 5 Intellivision, 2 Atari, 2 Coleco. Oui, si tu veux t'acheter du linge, là. T'as bien raison. Je vais troquer même des consoles contre du vieux linge. Oui. Mais hey, j'ai vraiment l'air d'un clochard. Mais non, parce que la blonde va finir par te dire: est-ce que Beautiful Joe te met du linge sur le dos? Comme crime. Mais non, c'est sûr. Mais elle m'a vu rentrer avec mes 3 boîtes, tu sais, elle a pas quand elle a vu ça, elle a dit ouais, il y a du stock, tu sais, mais c'était pas méchant, tu sais, on en fait aucun mais non, mais elle comprend, tu sais, j'essaie vraiment de, tu sais, j'abuse pas à la maison, là, quand même, je cache les choses puis tout, puis je vais me trouver une place là, je vais Moi aussi, j'avoue que ma bibliothèque chez nous, c'est merveilleux pour ça. C'est tout j'ai acheté une bibliothèque au IKEA, puis tout est fermé, comme toutes les portes sont fermées partout, ça va jusqu'au plafond. Fait que tu sais, t'ouvres une grande porte pis tous les jeux sont là-dedans. C'est génial parce que dans le fond ça paraît pas. Ouais, ça paraît creux, pas ça, mais pour en revenir au cash là, moi. Combien toi là par mois à peu près tu penses? Moi je pense je suis très sage, m'a dit. Parce que. Mais avec les downloads, ça va vite, par exemple. Faut faire attention à ça. Là. C'est ça. Mais avec les échanges pis tout, je pense que je dépense en moyenne 130$ peut-être par mois en jeu vidéo. Okay. Ce qui est pas si pire que ça, parce que souvent je vais reporter mes anciens jeux, puis sinon dans les downloads, c'est facile de rentrer dans ton argent parce que ça coûte presque rien. Ben, 10$, pareil. C'est ça, 10$. 15$ des fois. Ouais, exact. Moi, 15$, je trouve, c'est. Ben, tu sais, je dépense pas 15$ si non. facilement que ça en download, là, par exemple. Mettons, Afterburner, il était rendu 5$, ça, je me suis pas posé la question. Moi, c'est facile. C'est facile, mais 10$, ça me fait réfléchir. 15$, ça me fait très réfléchir. C'est parce que les downloads, ce qui est tough, c'est que tu downloads de démo, puis là, tu tripes. Ben, si tu tripes pas aussi. Non, si tu tripes pas, c'est ça, mais c'est la beauté des démos aussi. C'est ça. Mais des fois, tu tripes bien, mais tu tripes pas en malade. Ouais. Mais tu sais, t'as eu pas ça. Pas assez pour mais je tripe pas pire. Ben là, tu dis, je tripe-tu assez pour 10$? Ouais. Je suis rendu là dans quand je suis online. Ouais. Là, ça me fait ça présentement. Mais peut-être aussi que si c'était pas un dans l'autre, t'agirais pas comme ça. T'sais. Si c'était un vrai jeu, mettons qu'il y a quelqu'un qui dit: ok, tu peux essayer Beautiful Joe, vas-y, tu l'essaye, puis là, rendu au bout de 5 minutes, il sort le 10, tu fais comme: hey, combien tu me le vends, là, man? Là, parce que là, t'as la pochette dans les mains, puis tout, ça change de quoi? Parce que t'es collectionneur. Le DLC, tu peux pas revendre, ça prend aucune valeur. Non, ça reste dans ta machine, puis pouette, mon gars, t'as dépensé, puis t'es fait. Mais j'ai une autre attitude par rapport à ça aussi. J'ai pas une attitude de collectionneur. J'ai quand même l'attitude du gars qui veut avoir tous les bons jeux, puis qui veut aussi pogner les jeux. Un petit peu méconnu, tu sais, ou le fun, là, Galaga, DX, Légion, je te parlais tantôt, 1942, tu sais, des remakes d'arcade, là, vraiment pas trop connu, mais le fun, j'aime downloader ces jeux-là, tu sais, ça fait que, peu importe la valeur, là, mais je trouve que ça peut aller très vite, par exemple, je download 4 démos, là, drette de même, là, prends ta machine, là, tu dis, bon, je pourrais acheter ces 4 jeux-là, drette là, tu sais, là, Mais moi, une affaire là, que je trouve qui devrait changer sur toutes les consoles, même XBLA, j'avoue que la présentation est mieux pour ça, mais je trouve que la présentation des jeux en téléchargement, elle pourrait tellement être meilleure. J'aimerais ça que ça soit comme vraiment une collection, tu sais, que tu as vraiment, la lisière, ta bibliothèque, toute ta bibliothèque avec toutes tes boîtes, tu sais, puis c'est vraiment, tu sais. Tu check tes affaires, à peu près comme une librairie d'iTunes. Tu sais, tu vois les pochettes. Là, ils sont mieux de pas faire ça, mais je vais me mettre à capoter. Je vais collectionner même du data. Mais oui. Rien que parce que ça fait beau à l'écran, je vais capoter. Ça serait un. Colin, là, je vais le dire, là, puis ça m'écœure de le dire, parce que je me dis que c'est une méchante bonne idée, puis il y a quelqu'un qui va prendre ça, il va faire plein de cash avec ça. Imagine, là, tu fais une méga grande bibliothèque avec plein de trous qui ont la largeur parfaite d'une lisière de jeu, dans le fond, le côté de la boîte. Puis là, à toutes les fois que tu en achètes un, whoop, il y a un endroit qui se remplit. Mon gars, parce que là, tu voudrais remplir tous tes trous, man, puis ça ferait consommer. Des gars comme toi, mon gars, là, tu serais obligé de vendre ta maison. Puis là, ils te feraient des bundles, tu sais. Veux-tu comme fermer ces cinq trous-là d'un coup? Ouais. C'est genre les cinq jeux de Konami, tu sais, t'es aurais toutes, là. Veux-tu les acheter? On fait un deal, tu les achètes toutes. Tu dis, ah oui, parce que là, c'est ma bibliothèque virtuelle, là, ça serait bien plus beau. Clac, mon gars, 50$. Puis là, tu sais, tu sors la pochette après ça, tu sais, tu l'ouvres, tu peux ouvrir le livret, feuilleter les pages, après ça, c'est comme, est-ce que tu joues? Ouais, OK, ça sort un DVD Blu-ray, ça le met dans ta machine, tu sais. Juste côté présentation, ça serait le fun qu'il y ait un petit peu plus de rituel au DLC, parce que tu penses à travers ça, moi, je pense que c'est ça qui nous enlève un peu de saveur à ces jeux-là, c'est que ce côté-là, collectionneur, il pourrait être là aussi. Tu sais, ça pourrait être le fun que tes chums, ils savent que ça, c'est ta collection, que toi, t'as joué. Ben, ça va venir, sûrement. Ça va sûrement venir, là. Que tu puisses voir, tu sais, ce que les autres ont, que ça soit bien classé, que ça fasse bien une façon de les placer. Sur Xbox, j'avoue qu'ils sont en avance là-dessus, tu sais. Oui, puis PS3, c'est vraiment pas au point là-dessus, mais Xbox, tu vois quand même, tu vois tes jeux, ils ont un peu la façon qu'ils ont de les jouer, leurs jeux, c'est plus comme des pochettes de jeux complètes, là, vraiment rectangulaires. Fait que je trouve que ça marche, mais ça serait le fun qu'ils le fassent là, pour les autres consoles, mais plus que ça, vraiment, là, faites la grosse bibliothèque avec des slots vides, là, puis moi, j'embarque. Là, puis moi, je me suicide. Puis moi, je fais faillite. Mais tu vas pouvoir t'acheter du linge après ça. Ouais, j'avoue. Tu vas passer tout ton cash là-dedans, puis tu vas peut-être faire une raison. Puis tu vas t'acheter des fringues. Ah, j'ai des problèmes. Donc, mon jeu d'aujourd'hui, mon premier jeu, puis on vient d'en parler, je l'ai acheté au EB Games 9 pour 2$, un jeu de PlayStation 2, un classique, je trouve, Beautiful Joe. C'est... J'en reviens pas encore, j'ai acheté ça. 2$, tu sais. 2$, ouais, mais moi, je l'ai payé 60$. Ben, c'est ça. Mais aujourd'hui, la semaine passée, là, 2$ dans un magasin, 9, 2$, tu trouves ça à terre, 2$, je comprends pas. Mais c'est parce que... D'un, pourquoi il y avait ça? De deux, pourquoi il était 9? T'as qu'à être 2$, là. Ben, vendre 5$, tu l'as racheté pareil. Fais un bundle. Donne-le. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment J'étais sûr que c'était mal étiqueté. Fait que, en tout cas, un petit historique sur Violet Show. Colin, une bière. Deux. On a un autre pendant ta critique. Donc, petit historique vite fait de Beautiful Joe, qui était à la base un jeu qui était fait par Capcom. Fait par Capcom. Puis, c'était supposé être exclusif au GameCube. C'était supposé faire partie d'un bundle de 5 jeux que Capcom allait lâcher sur le GameCube pour booster les ventes du GameCube. Parce que Beautiful Joe est sorti sur GameCube aussi. Oui, oui, il a commencé sur GameCube avec 4 autres jeux. Ça s'appelait le Capcom 5. Puis Capcom voulait sortir ce bundle-là pour booster les ventes du GameCube. Ça commençait à aller pas très bien. Donc, ces 5 jeux-là sont... Ben, je sais pas, les autres sont tous sortis en même temps, mais Beautiful Joe est sorti en 2003. Mm-hmm. Puis les autres jeux du Capcom 5 était P.M.03, genre de fille, c'est très blanc. Ça va être long. Mais il y avait Beautiful Joe aussi, Dead Phoenix. Oui, ça je m'en souviens. Mais ils l'ont pas sorti, ça. Jamais sorti. Puis Resident Evil 4, bien sûr, qui a lancé la carrière d'ailleurs de... Celui qui a fait No More Heroes, c'est quoi son nom? Ah oui, c'est... Voyons encore. C'est ce fucké-là. Ah, Suda 51. C'est ça. Ça a lancé sa carrière. Puis Killer 7. Oui. C'est un jeu, ça, qui a l'air assez... Non, mais c'est Killer 7 que ça a lancé la carrière de Suda 51. Ah oui, oui. Resident Evil, c'est quelqu'un d'autre. Oui, non, c'est ça. Ouais. Donc, Killer 7, qui est un très bon jeu. Est-ce que j'ai... C'est un jeu fucké, avant-gardiste. Si tu rejoues maintenant, tu auras de la misère. Il y a beaucoup de monde qui mettent beaucoup plus de hype sur ce jeu-là à cause que c'est Suda 51. Ah, c'est ça. Moi, je suis un fan fini de Suda 51. J'adore ce qu'il fait, mais Carol 7, j'ai rejoué pour savoir si c'était trop de hype, là. Puis c'est pas terrible. C'est très original, là, mais c'est pas mal trop dur à jouer, là. Ben, ça semble être aussi peu terrible que toutes les Capcom 5, à l'exception de Beautiful Joe et Resident Evil 4. Donc, mais ce qui est arrivé avec le temps, c'est qu'ils ne sont pas restés exclusifs, finalement, à part PM03. Puis je me suis dit, wow, si c'était le seul qui est exclusif, il doit valoir cher. Ben c'est arrivé. Ouais. Ça me le prend. J'ai même pas de GameCube. Je m'en sers. Je vais l'acheter. Ouais, c'est ça. Mais non, il vaut pas cher. Okay. Alors, c'est pas bon, ça vaut pas cher. Mais c'est de là que Beautiful Joe vient, en fait. C'est de ce pack-là. De ce pack-là. Donc, c'est une belle histoire. Oui. Puis après ça, moi, j'ai acheté la version PS2 qui est sortie l'année d'après. Puis ça a été porté au PS2 par Clover Studios. Oui. Tu connais ça? Oui, Clover Studios, c'est eux autres qui ont fait Okami. Absolument. Ils ont fait toutes les Beautiful Joe. Il y en a plusieurs. Il y en a sur la DS. Il y en a un deuxième sur la PlayStation 2. Donc, ils ont fait Okami. Puis un autre jeu aussi, God's Hand. Ah, oh, ça, c'était bon, man! C'était bon! J'ai fait la... Je connais pas ça partout. Ah, je trouvais que ça avait l'air de la merde. J'ai fait la critique à M. Net, là. J'ai tellement... C'est un jeu de fighting, ça, va? C'est un jeu de fighting. T'avances, puis tu t'approches, puis c'est juste... C'est hyper rapide. OK. Puis c'est over the top, là. Mm. Tu sais, pour régénérer ton énergie, là. D'ailleurs, ça avait été weird quand j'avais dit ça en ondes en direct. Il avait dit... Regarde, Denis, tu peux même regarder des revues pornographiques pour faire monter ton énergie. Parce que c'est vrai, il y a des revues porno à terre, puis tu regardes, puis ça fait monter ton énergie d'une shot. Puis le bonhomme, il avance super vite, puis il est bizarre, puis quand il se bat, c'est vraiment intense, tu sais. Fait que. Non, c'est excellent, Golden. Puis en passant, petite parenthèse, il est disponible sur le PlayStation Network, dans les PS2 Classics. Man, va te chercher ça, c'est vraiment bon. Je vais y aller, là. Ouais, c'est tight. Wow! Bon, vois-tu, hein, faut pas se fier aux apparences. Ouais. Donc, bravo Clover Studios, qui est maintenant défunt, mais qui a fait rien que des bons jeux. Ouais. Donc, Beautiful Joe, ce que c'est, t'es un dude, amateur de films, et puis t'as une gueule, là, ta blonde, là. Ouais. C'est ça, ouais. Excuse-moi, c'est parce que je regardais la vidéo de PN03, puis ça a l'air cœur, hein. Fait que... Ben, les critiques sont très partagées. Mais c'est vrai que à regarder le trailer, là, même, moi, je trouve ça va cool. Ça avait l'air d'être en avance sur son temps, quand même. Ça devait l'être, comme tous les jeux du Capcom 5, d'ailleurs. Bon, en tout cas, vas-y. Là, fait que t'es un cool guy, là, jeune dude, là, amateur de films. Ouais. Puis tu t'en vas au cinéma avec ta blonde. Puis tu tripes sur les films de Captain Blue. C'est ça son nom, Captain Blue? Puis c'est un genre de super-héros, Captain Blue, il sauve le monde à chaque fois. Fait que là, c'est le nouveau film de Captain Blue, t'es là. Là, il se fait, Captain Blue se fait comme péter là, dans le film, il meurt. Puis le gros méchant, il sort la main de l'écran, il grab ta blonde, puis il rentre dans l'écran. Fait que là, toi, tu rentres dans l'écran, bien sûr. Et voilà que commencent les aventures de Beautiful Joe, qui seront... tu deviens un peu le disciple de Captain Blue. Mm-hmm. Il donne ses skills, tu sais, tout ce qu'il fait. D'ailleurs, il est comme un peu pedonnu, là, tu sais. Ouais. C'est très étrange, ça. Il est comme vieux, il est pedonnu, tu sais. Ça prend un new kid, là, le young gun, ça, c'est nous autres. Fait que ça se passe de même, puis chaque... Puis t'es dans un film, là, c'est ça que... Dans un film, toujours. Ouais. Tu sais, chaque tableau est comme un film, tu sais. Ouais. Oh, le prochain épisode, il va être en dessous de la mer. Manquez pas ça, c'est Beautiful Joe en dessous de la mer. Puis, mettons, quand tu passes sur Start, c'est comme un réalisateur qui dit « Cut, cut, cut! » Non, ça, c'est quand tu meurs. Quand tu passes sur Start, « OK, on va prendre un break, tout le monde! » Tu sais, c'est vraiment tweaker film. C'est comme un max, film, là. C'est vraiment fait que, cool. Ça, c'est vraiment cool. La présentation était cœur. Elle était cœur. Entre les graphismes, ça me fait penser au Camille, au Max, le graphisme. Là, mais c'était comme du cell shading avant que le cell shading arrive, là, vraiment. Là, C'est vraiment 2D au Max. Ouais. Là. Mais c'est un jeu. 2D, 3D. Ouais, ben c'est un beat'em up, ouais. Premièrement, on va le dire. Là. C'est un beat'em up, mais à 2.5, tu sais. Ouais, 2.5D. 2.5D. Parce que t'étais sur le côté, mais des fois, ça s'en allait à 3 quarts un peu. C'est 2.5D, c'est vraiment ça. Double jump vraiment haut. Ouais. La caméra, elle lève aussi un petit peu vers le ciel, tu sais. Elle exact. Fait pas juste monter avec toi, là. Fait qu'il y a de la dimension un peu à ce niveau-là. Donc, ce qui en fait un beat'em up très spécial, c'est que t'as trois options, trois affaires que tu peux utiliser pour te battre. T'as le slow motion, mettons, t'arrives, là, il y a du monde qui arrive pour se battre avec toi. Puis t'as tous tes moves, là, kick, punch, tu sais, classique. Puis t'as un slow motion. Quand tu fais sur le slow motion, ben tout est au slow motion, les ennemis sont vraiment plus vulnérables. Fait que là, tu punches, ça éclate. C'est alterne. Puis les ennemis sont plus vulnérables comme ça. T'as aussi un max speed qui est complètement le contraire. Là, c'est, tu punches tellement vite, là, t'es une vraie mitraillette, là, c'est vraiment cool. Puis le troisième truc, t'as un zoom in. Là. Ouais. Comme, quand tu fais le slow, ben, ton personnage, ça zoome un peu sur lui. Là, il se met à faire le fraîchier, tu sais. Il flex ses pipes, là, tu sais. Puis les ennemis sont comme un peu déstabilisés par ça, tu sais. Ouais, ça les rend vulnérables, tu sais. Donc, quand tu fais, mettons, tu combines ces effets-là ensemble, ce qui fait que tu peux faire plusieurs, tu sais, combinaisons. Mais tu mets à te flexer tes pipes, les ennemis sont un peu déstabilisés. Fait que là, max speed, tu leur rentres dans le tas, kick punch, tu sais. Ça. Tu mélanges, tu passes ton temps à utiliser ces affaires-là, en fait, tout le temps. Oui. C'est ce qui fait que c'est spécial. Puis c'est vraiment bien fait, là, parce que c'est un jeu que tu rentres dans le tas. Tu sais. Oui. Tu utilises toutes tes affaires, tous tes trois effets pour rentrer dans le tas. Puis le bruit que ça fait, c'est vraiment cool pour ça. Puis, ce qu'il y a de cool aussi, c'est que. C'est pas juste beat'em up. T'as des éléments de puzzle. Ouais. Des fois, quand tu te mets en, mettons, il y a des gouttes qui dégouttent du plafond. Quand tu te mets en slow motion, les gouttes, ils vont grossir, ils vont ballonner, devenir super grosses. Puis ça peut aider, tu sais, ou comme ça peut t'aider à certaines situations où il y a une mine par terre. Puis là, quand elle explose, tu te mets en slow motion, puis là, l'explosion, elle grossit, elle fait pas juste pouf. En normal, elle fait ça devient une espèce de gros feu. Ça devient énorme. Fait que ça tue les autres ennemis, tu sais. Des affaires de même, quand des fois tu pognes en feu toi-même, là, tu accélères, tu fais max speed pour comme éteindre le feu, là, tu sais. Puis vraiment, tu utilises. Ils font des puzzles qui sont des fois un petit peu compliqués, là. Ouais. Faut que tu fasses des twists. Il y a des plateformes avec des hélicoptères en dessous des hélices qui lèvent. Quand tu les mets au slow motion, tu sais, ils tombent à terre, fait que tu peux embarquer dessus. Après ça, tu fais max speed, fait que boum, ça les fait spinner au max, fait que ça te lève bien haut dans les airs, ça t'amène ailleurs. C'est aimé ça qu'il y ait du puzzle. Ouais, vraiment. Puis des fois c'est ça moi que je me souviens, c'est que des fois tu étais pris dans des pièces tu sais c'était pas très gros puis il fallait que tu te sortes de cette pièce-là justement avec des puzzles, tandis que des fois c'était vraiment un feeling là, ouvert là, tu es à l'extérieur puis tu t'approches des ennemis puis tu vois que c'est pas très compliqué, tu sais. Ben des fois, écoute, il y a un gros autobus qui te fonce dessus. Ouais. Tu sais, là, faut que tu embarques dessus puis que tu fasses un max speed, tu sais, pour le, comme le booster puis qu'il est super rapide. Fait que là, il jump par-dessus un gros trou de pic, là, tu sais, ou genre, faut que tu fasses gonfler au ralenti des gouttes d'eau qui vont tomber dans de la lave. Ça va faire des plateformes que tu peux s'embarquer dessus. Vraiment, des affaires de même. Bien pensé, là, vraiment. Oui, vraiment. Puis, j'ai eu un tableau aussi où est-ce qu'on chauffe un genre de jet, là, notre avion. Là, fait que ça, ils ont réussi à ce qu'on utilise tous les effets, encore une fois, là-dedans. Tu tires des balles. Quand tu te mets en slow motion, tes balles deviennent super grosses. Là, c'était bien cool pour ça. Puis, il y a les monstres là-dedans. sont vraiment le fun aussi, les boss, là. Mais c'est ça, c'est pas un jeu qui est facile, même si ça me a de l'air, parce que tu défonces tout le monde. J'ai tout trouvé le temps. Vraiment tough. Mais il est tough, là. Puis les boss sont tough aussi parce qu'ils ont des patterns, ils ont des faiblesses. Faut que tu trouves quand utiliser. C'est parce que t'as aussi le slow motion. Max speed puis slow motion. Faut que t'alternes avec ça toujours, là. Faut que tu utilises ça au max. Fait que pour ça en fait un jeu quand même assez difficile. Oui. Mais c'est ça, quand je regarde Beautiful Joe, puis tu sais, il y en a eu un deuxième. Moi, j'ai vraiment trippé sur ces jeux-là. Puis je cache pas comment ça se fait que Capcom n'ont pas fait un autre Beautiful Joe en a même encore. Sur le PS3. Non, ils ont juste fait Marvel vs. Capcom que tu peux jouer avec Beautiful Joe, mais du reste, là. Ben moi le personnage, je le trouve pas trippant. D'ailleurs, c'est une affaire que j'aime un petit peu moins de ce jeu-là. C'est que. T'aimes pas Beautiful Joe, hein, non? Ben j'aime le jeu, mais j'aime pas son allure. Parce que je trouve ça funny, là, tu sais, mais ce que j'aime pas, c'est l'attitude des années 2000 là-dedans. Le gars, il est un amateur de movie, il est de piercing. Ouais. Cool man! Ah, Puis là, les boss, ils partent. Puis là, c'est full yeah. Puis là, j'ai trouvé ça un petit peu dégueu. Puis ils en mettent tellement, ça parle beaucoup dans le jeu, ouais. Ces personnages parlent. Puis ils en mettent tellement dans leurs affaires cool que t'essaies de comprendre ce qu'ils disent. Puis qu'est-ce qu'ils disent, le petit crocodile? Ben ça, c'est là, super, c'est rien, ça devait être des Japonais qui ont imité la culture américaine. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est parce qu'il me faisait penser vraiment à. Là, c'est plate parce que je me souviens pas de son nom, mais le personnage dans Mega Man qui a une cape. Oui, il y en a un qui a une cape qui est merveilleux, puis moi, tout le monde le sait. Moi, il me semble que c'est Proto-Man. Ben, il y a un foulard, là. Mais ouais, c'est ça, c'est un foulard. Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Moi, je trippe sur Mega Man ben red. Fait que, tu sais, lui, il me faisait penser un peu à Mega Man. Ben, c'est vrai qu'il fait penser à ça. Non, mais il est hot, là. Tu sais, il est cool, là. Ouais. Puis, tu sais, il est ben, il donne bien de l'attitude aussi. Oui. C'est full attitude, ce jeu. Oui, ça, il en manque pas. C'est sympathique, tu sais, quand même. Ah, c'est oui. Charmant, là. Mais non, c'est, ben, c'est ça. Des fois, ça me tape un peu ses nerfs. Puis aussi, pendant que tu joues, tu sais, ton slow motion, ça dure pas tout le temps. Ça, ouais. Là, faut que tu ramasses. Ben, quand tu arrêtes de l'utiliser, ça, il remonte tout seul. Puis, faut que tu ramasses. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi cette affaire-là? De quoi? Les affaires. Les V? Ouais. Ben, les V, c'était, il me semble que c'était non, justement les v, ton ça, nombre de combo. Mais ça ici, là, ces affaires bleues-là. Là. On dirait. Ça, c'est tes séquences. Non, mais tu ramasses de ça. Là, dans les bobines. Ah, c'est des bobines de film? Oui, c'est des bobines de film. OK. Ouais. Tellement laid, j'arrivais t'es pas à ramasses, comprendre. T'es ramasses dans le tableau, c'est comme des coins. Là. C'est ça, c'est comme des scènes, t'es ramasses. Mais quand t'en as 50, ça t'unlock un petit peu plus de jauge en okay. Pour utiliser tes powers. Donc, okay. Fait, faut que tu ramasses ces affaires-là. Puis, on donne. Quand tu fais des combos badass, là, ils te donnent des V-points. Là, oh, fait, c'est super cool. Puis, tu accumules ces V-points-là pour acheter des power-ups à la fin. Hey, je parle de ça en anglais. Power-ups. Power-ups, de V-points, le gros. Mais c'est parce que ça. Power-ups, là. Ça se dit tellement mal en français. Là. Ouais, c'est quoi, moi, j'essaye à c'est monsieur, quoi, monsieur Net, Net, j'ai vraiment la misère. Là. Des nouveaux pouvoirs. C'est, ouais, c'est des nouveaux pouvoirs. C'est tout le temps ça. Des nouveaux pouvoirs ou des améliorations. Oh, ça marche pas. Fait que non, Power Up, j'aime ça. Moi, c'est justement, regarde, on a le podcast, là. On n'est pas à la télévision, non, on n'est pas à Radio-Canada. On peut dire quelques termes en anglais. Absolument. Ben oui. Fait que ces V-points-là, t'achètes toutes sortes de power-ups, c'est intéressant. Mettons, ta jauge, elle remonte plus vite. Ou des moves, un genre de dragon kick, là, tu sais. Ou genre un autre truc que quand tu viens pour tomber, tu payes sur ton zoom. Puis là, ton bonhomme va faire un twist, il va retomber sur ses pieds. Fait que ça va lui faire moins mal, okay. Tu sais, des affaires de même. Donc, ça vaut la peine de se forcer le derrière pour break faire des gros combos pour acheter. Il y a beaucoup de choses à acheter. Fait que ça, c'est un élément super le fun aussi. C'est cool, ça. J'ai côté RPG. Oui, léger, ouais. Qui en rajoute un petit puzzle, ouais. Un petit RPG dans un beat'em up, tu sais. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment. Ben, quand tu peux mettre ton personnage à niveau ça, je trouve ça vraiment cool, là, parce ben, que ouais. ça change le jeu puis ça te donne un. Pis ça t'aide aussi, parce que quand tu meurs tout le temps à la même place, tu sais, tu recommences ouais. Tout le temps, puis tes points ils restent. Fait qu'à un moment donné, t'achètes un autre power-up. Ben, ça t'incite à continuer à faire le jeu, à avancer. Il y avait justement. Contrat Hardcore Uprising. On l'a appris. Hardcore Uprising, que c'était comme ça. Tu sais, tu recommences, mais ton personnage tout le temps meilleur, tout le temps le fun. Ouais, non, c'est ça. Fait que, écoute, c'est super beau ce jeu-là. Là. Vraiment. La musique, c'est le fun. Même maintenant, ça a bien vieilli. Je regarde des images, là, ça a super bien vieilli. Ben, ça a bien vieilli parce que c'est comme cartoon. Mais on dirait que c'est. Tu sais, ça, je le vois là, mais c'est le look de Marvel vs. Capcom. Oui, oui. Vraiment, là, le look de Marvel vs. Capcom, ça ressemble à ça. Absolument. Tu sais, fait que c'est l'inspiration. Tu sais, à la place de faire un autre jeu de fighting, tabarnouche, sortez dans un autre Beautiful Joe. Je comprends pas pourquoi ils ne le font pas. C'est ridicule. C'est vraiment sur le fun, store, tu peux juste avoir des avatars, tu sais. Oui. Je trouvais ça bien dommage. Là, ah oui. Même pas les vieilles, là, les vieux jeux. Qui sont là. Écoute, ça marche au max. Là, ça marche au max. Moi, j'ai c'est encore le fun. Ben, c'est très le fun. Oui. Puis c'est pas un jeu facile. D'ailleurs, quand ils donnent l'option au début, est-ce que tu joues à genre kid ou bien teen ou bien adulte? Puis là, adulte, il est bien encadré. Tu sais, des lumières rouges qui clignotent ah, autour. Ouais. Moi, j'ai joué à Teen, mettons. Là. Ben, c'est pas ça les termes, mais en tout cas, j'essaie de m'en souvenir, mais on va dire que c'est Teen. J'ai joué à ça, mais je me sentais donc ben cheap. Niaise, mais t'es pas capable. Il m'a dit que c'était easy, normal, hard, là, fait que je joue à normal, mais ah, c'était pas facile. Bon. Là où je suis un peu coincé, là, okay. Dans un genre de puzzle, puis je meurs. Là. Mais je vais y revenir. Donc, écoute, 2$ chez Big Games. Ouais, pas c'est cher, ça, pas cher. Pendant Saint-Bruno, ça doit pas être un jeu qui est très cher. Je pense pas qu'il est cher. Si vous avez encore un PlayStation 2 chez vous, un PlayStation 3 de première génération qui est rétro-compatible. Puis, ou une GameCube. GameCube, oui. Ou un jeu GameCube que tu peux jouer dans ta Wii. Ouais. Donc, moi, je vous conseille ce jeu-là. Bruno aussi, je pense. Ben, raide, moi, je regarde, j'ai trippé. C'est un super beau jeu. Vraiment le fun. Donc, moi, ce soir, je vais vous parler d'un... Premièrement, je vais vous parler d'une erreur que j'ai faite. J'avais ma 3DS, puis j'étais super content. Je disais, yes, que de souvenirs. Allons acheter des jeux de Game Boy tout de suite, tu sais. Fait que je mets 20$, puis ah ouais, je m'en vais chercher des jeux. Là, le premier, je me dis, ah, j'ai collé une Gargoyle's Quest. Je m'en souviens de Gargoyle's Quest. C'était tellement bon, ce jeu-là. Puis anyway, Ghosts and Goblins, c'est tellement bon. Puis je me souviens aussi du deuxième jeu de Gargoyle's Quest, que c'était quoi donc, un jeu avec la main gargouille, là? Sur le Super NES, Demon's Crest. C'est ça, Demon's Crest, que j'avais adoré, tu sais. Fait que là, je me dis, c'était vraiment bon. Fait que là, je l'achète, je commence ma partie, là, ah, c'est un RPG, ça. Ouais, là, je commence, c'est un peu comme Dragon Warrior, fait que là, je fais avancer mon dragon, là, il se lève, il sort d'une chambre, après ça, il s'en va dans une forêt vue de haut. Ouais. Là, il se passe rien. Là, je vois un fantôme, je fais comme bon, ben correct, on va aller voir le fantôme. Ah, oh, un petit bout de tableau. Fait que là, je fais un tableau, je trippe. Là, après ça, finis le tableau en 20 secondes, on recommence, rentre dans la forêt. Là, il y a une espèce de bébite devant un château. Là, je me dis bon, je vais foncer sur la bébite, puis je vais faire le tableau, puis je vais aller au château, ça va être le fun. Là, j'arrive devant la bébite, elle dit comme « You cannot go further ». Je suis comme « Ah, non, come on, là, tu sais ». Là, c'est comme « You need to go ». Là, il me dit un méchant long texte. Off! J'arrête complètement, là. J'étais tellement frustré, là. J'étais comme « Non! » Je déteste les RPG, je suis pas capable. T'étais plus patient dans ton jeune temps, peut-être. Ah, man, quand j'étais... Parce que je l'ai acheté, Gargoyle's Quest. Ouais. Je me souviens de la cassette, je l'avais dans les mains. Puis, tu sais, j'étais beaucoup plus patient, là. Puis maintenant, moi, je choisis vraiment mes affaires, là. S'il y a quelque chose qui m'énerve, j'arrête, à moins d'être obligé de faire la critique. Puis ben, là, tu sais, quand t'as tout le temps, là, use, try, fight, pick up, des affaires de même, non. Mais t'as des tableaux d'action, là, par exemple. Il y a des tableaux d'action, puis les tableaux d'action sont pas pires. Ouais. C'est pas incroyable, là. C'est très long comme contrôle, puis c'est pas super. Fait que là, je me suis dit, de la merde, Gargoyle's Quest. Fuck you, je vais me chercher d'autres choses. Fait que là, je me suis dit, m'en aller me chercher de quoi d'autre, là, de badass. Là, un bon jeu de Game Boy. Ah ouais, de quoi qui torche. De quoi qui torche. Fait que là, j'allais me chercher Balloon Kid. Yeah! On pense ça. Fait que Balloon Kid, qui est vraiment pas un jeu badass, c'est un des rares jeux de Nintendo où le protagoniste était une petite fillette. T'as pas le choix entre le gars et la fille? Non, c'est ça, t'as pas le choix entre le gars et la fille. Ce que c'est que t'es une petite fille. Alice, qu'elle s'appelle. Alice, ouais. Exact. T'es Alice, puis ton petit frère se fait enlever par des forces maléfiques, évidemment. Ton petit frère est sur des ballons, puis se fait enlever. Puis là, il faut que tu te promènes dans des tableaux et que tu ramasses des ballons, peut-être de gauche à droite. La mécanique de jeu est la même que Balloon Fight. Et je vais reparler de Balloon Fight tantôt, parce que c'est un jeu qui m'est absolument important. Tu l'as pas sur ta 3DS, malheureusement. Je l'ai pas sur ma 3DS. Un ambassadeur comme moi. Ouais, parce que je suis plus un ambassadeur. fait que c'est ça. Fait que, bref, dans Balloon Kid, ce qui est le fun, c'est qu'on retrouve le même type de jeu que Balloon Fight. C'est-à-dire que c'est vraiment là ton. Du pitonnage sur A. C'est ça. Tu pèses sur A sans arrêt pour monter puis descendre. Puis, évidemment, bon, des fois, des fois, ça va plus vite, plus lentement. Puis, t'as aussi des ennemis qui se promènent au sol. Il y a certains ennemis sur lesquels tu peux sauter. Ce qui est le fun, c'est que Alice peut lâcher ses ballons pour aller par terre, puis marcher, puis sauter. faut que tu le fasses assez rarement quand même, parce que l'important, le plus important là-dedans, c'est de rester dans les airs le plus longtemps possible. Mais une fois par terre, là, comment tu fais pour te remettre à des ballons? Ah, c'est à les gonfles. Tu les gonfles. Non, okay. Non. Une fois que t'es pas. Si tu veux être par terre, tu peux pas avoir de ballon. OK. Fait que t'es lâche avec B. Puis, okay. Tu peux les gonfler en pesant par en bas. Fait que okay, là, okay. Ouais, elle sort la pompe. Puis, ça, t'en as tout le temps, là, ça. Tu peux tout le temps. Sauf que, gonfler des ballons, c'est quand même assez long. Là. Ça te prend du temps. Fait que si t'as un ennemi qui s'en vient, surtout que tu gonfles ton ballon, tout bad, ouais. Là, tu peux pas. Puis le tableau, il est sur rail. C'est ça, le tableau est sur rail. Fait que là, ça avance, tu vas tomber dans l'eau, ça va pas bien. Puis c'est ça, l'univers est. Mais l'univers attends, quand tu le fun. Peux-tu lâcher tes ballons alors que t'es très haut dans les airs? Oui. Puis tu drops. Ah, tu drops, tu t'écrases pas. Il n'y a personne qui se casse les jambes dans les jeux Nintendo. Ouais, là. Ouais. C'est, tout le monde est correct. On a tout un corps de feu. Là. Ouais. Tout fonctionne super bien. Fait que là-dedans, il y a 8 tableaux. Puis ces 8 tableaux-là, je dirais que les 4-5 premiers, ça va. C'est pas trop dur. Mais après ça, ça commence à être vraiment compliqué. Parce que quand tu as des projectiles qui s'en vont dans les airs, comme si tu étais dans un tableau de Gradius. Ouais. Tu commences à avoir de la misère là, quand il n'y a plus justement des petites chenilles puis des petites tarentules qui descendent des arbres là, ça commence à être difficile. Puis c'est vraiment trippant là, sérieusement. À un certain point justement, tu rentres dans le ventre d'une baleine. Ah ouais. Puis tu vas te promener. Je trouvais que c'était un jeu qui avait quand même beaucoup d'imagination. Les tableaux étaient super intéressants. Puis aussi, le gameplay, tout simplement, est vraiment le fun. Il y avait aussi un beau clin d'œil au Game Boy. Tu pouvais rentrer dans des Game Boy pour faire un mini-jeu qui était le même mini-jeu qu'il y avait dans Balloon Fight. Avec la même toune. La même toune. Écœurant. C'est-tu bon, cette toune-là, un peu? Hein? C'est écœurant. Quand ça va mal dans ta vie, tu mets cette toune-là de Balloon Fight. Ah oui! Puis tu marches les deux bras de chaque côté, t'es fier, là. C'est comme, tu vas l'avoir, c'est un job, là. Tu pars avec ton CV. Ça va d'entre eux. C'est vrai. Mais on va aller se négocier des assurances. C'est ça. Ça va bien, là. Allez, m'acheter une hotte à 450$. Ouais, quand je vais poser ma hotte, je vais écouter cette tune-là. En background. Ouais, en background. C'est ça, fait que c'est le fun parce que tu joues à ce petit jeu-là qui rappelle Balloon Fight, puis ça marche au bout. On peut aussi jouer à deux dans ce jeu-là. Ah oui. Quand on joue à deux, on joue un contre l'autre. Okay. Puis on joue dans le tableau de gauche à droite, puis c'est celui-là qui ramasse le plus de ballons ou qui tue l'autre littéralement, qui fait crever ses ballons, qui gagne. Fait que c'est quand même assez compliqué, puis c'est vraiment le fun de jouer à deux. Évidemment, avec la 3DS, je vais t'avouer que je me pose la question si ça joue à ça deux. Doit j'ai jamais essayé. Maintenant que t'as une 3DS, on se connectera ensemble à un moment donné. C'est ça, on se connectera, puis on va essayer de jouer une game. Ça serait vraiment le fun. Ouais. Parce que c'est vraiment un bon jeu. Moi, je te le conseille fortement. C'est tellement le fun, ce jeu-là. Puis, en plus de ça, bon, il y avait un autre mode qui est un mode de... C'était quoi, donc, le mode... C'était un mode où t'avançais justement, t'avançais dans le tableau, mais c'était comme des projectiles, un peu comme le Balloon Trip qu'il y avait dans Balloon Fight. C'est un peu le même principe. Fait que c'est un jeu qui est quand même, tu sais, 3,99$, ça vaut vraiment la peine. C'est pas cher. Mais c'est là, pas cher, là. On ramasse des ballons là, depuis tantôt. Ouais. Ça, c'est là, juste tu vas me dire, ça juste... sert à quoi? Ouais. C'est vraiment juste pour le score, pour le triple. C'est un peu comme les scènes dans Mario, ça te donne des vies, puis ouais, tu trouves ça le fun, tu sais. Puis là-dedans aussi, il y a des boss. Ouais, hein? Les boss, d'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui s'en vient. Là, ah, ton petit frère, il est là. Mais la toune, était écœurante quand il y a un boss. Avec l'agonie du monstre que tu tues. C'est ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu lâches tes ballons pour sauter sur l'ennemi, pour en revenir sur tes ballons. Ah ouais? Fait que ça demande ça? Beaucoup de dextérité, tu sais. Ah, j'avoue que ça, c'est pas pire. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, on pourrait penser que c'est un jeu qui est redondant au début, mais plus on avance, plus les tableaux deviennent complexes, puis on l'apprécie énormément. C'est sûr que dans le temps, à 45-50$, Et avec l'espèce de pochette trop laide de ce jeu-là. La petite fille, oui! Mais la petite fille, comme vraiment laide, là, chubby, pas belle. Là. Ben, rien c'est contre chubby. Là, chubby, pas belle! Non, mais t'es, là, son visage, tu sais. Ouais, non, puis elle avait des petites taches de rousseur. Elle était pas très aimable. Non, puis la coloration était fade, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'était pas super. Puis c'est ça, il y a aussi... quand tu vas sauver ton frère c'est Jim, et je voulais dire que quand tu joues à deux, tu joues contre Sam, ah oui? qui est ton ennemi juré, okay. que t'aimes pas probablement, parce que lui avec est capable de voler avec des ballons, puis tu l'haïs pour ça. fait que c'est ça, fait que c'est vraiment, c'est un bon jeu, puis... moi, j'ai acheté ce jeu-là, puis quand j'étais jeune, j'ai acheté ce jeu-là sur Game Boy à cause que j'avais une obsession puissante avec Balloon Fight, que je veux vous parler aujourd'hui, parce que j'en aurais parlé tôt ou tard à Rétro Nouveau, mais là, ça paraît être le bon moment à cause de Balloon Kid. Balloon Fight, là, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps à deux, ouais. quand t'es pacté avec un chum. Parce que écoute, le contrôle est super bon, puis en même temps, des fois, tu perds le contrôle de ta balloune, tu rebondis sur quelque chose, puis ça va mal. C'est hilarant. Tu bombes ton chum qui essayait de t'aider, puis il tombe dans l'eau. C'est super cool. D'ailleurs, vraiment, c'est un des meilleurs jeux de Nintendo. Là. Ah ouais, c'est vrai. Mais il y avait un gros poisson dans l'eau. Là. Il est encore là dans le balloon. Oui, il est encore là dans Balloon Kid. Si tu vas trop proche de l'eau, il y a un poisson qui s'en vient de gober. Cool. Enfin, encore pour le fun. Oui. Ah. Hey. Tu vas la poser tout seul ta hotte de cuisine. Ça va être très graisseux sur ton mur. Ah oui, ça serait merveilleux. Mais pour une job aussi, c'est pas pire quand même. Ah ouais, c'est clair. Elle portait ton CV ou je sais pas, moi, tu creuses une fille puis tu sais pas si elle veut savoir de quoi de toi, puis là tu fais. Je vais écouter la tune de Balloon Fight. Ah, c'est ça, ça te donne un peu de power. Ouais. Ça te relaxe. T'écoutes ça dans un bar, là, bien fort dans ton iPod, là, puis tu fonces. Hey, on aurait se faire un bar de gaming puis mettre ça. Là. Oui, mais ça, hein, sans arrêt. Il y a du monde qui danse en robot un peu. Non, c'est ça, fait que bref, pour revenir à Balloon Fight, Balloon Fight, là, c'est sorti en passant à Balloon Kid. Je fais ça tout croche à soir. Balloon Kid est sorti en 1990. Ouais. Balloon Fight est sorti en 1986 sur Nintendo Entertainment System. Ainsi que sur arcade. Il est disponible aussi sur la Virtual Console. Oui, c'est un jeu d'arcade au départ. Wow, il est sorti sur Nintendo après. Hmm. La version sur arcade est faite sur le haut, comme plusieurs machines d'arcade. Okay. Puis, c'est ça, il est sorti sur la NES, mais il est sorti aussi sur plusieurs autres systèmes. Je sais qu'il y avait l'espèce de voyons, Colin... C'était Phoenix ou je sais pas trop le nom de la console. En tout cas, une espèce de console bâtard. Il est sorti sur plein d'autres petites consoles, mais la version définitive, c'est vraiment la version du NES, parce que c'est celle-là qui a été travaillée et retravaillée. Fait que c'est vraiment, bref, c'est un bon jeu. Moi, je trouve que c'est le meilleur jeu à deux. En plus de ça, il y a le mode Balloon Trip, où tu vas de gauche à droite, où tu peux un peu... ressentir l'espèce de jeu qu'est Balloon Kid. Ouais, c'est ça. Parce que Balloon Kid, c'est comme une version évoluée de Balloon Trip. Absolument. Fait que c'est le fun. Puis, moi, Balloon Fight, un de mes meilleurs jeux de tous les temps. Fait que là, je me suis dit, je vais faire des recherches, voir s'il y en a eu d'autres des Balloon Fight. Il y a eu une autre affaire. C'était Tingle's Balloon Fight. Ben oui, vous vous rappelez, Tingle, le petit gros en lycra vert de Zelda que vous aimez pas, ben, il a son jeu. Puis son jeu, il l'a totalement emprunté de quelqu'un d'autre. Ben, parce que c'est exactement Balloon Fight. C'est exactement Les tableaux sont pareils, tout est pareil. Là. Même affaire, sauf que c'est Tingle qui tient les ballons. Puis, ça se jouait sur la DS. C'était un jeu qui était disponible seulement via le club Nintendo. Ah oui? Fait que c'est un jeu qui est très, très, très difficile à avoir. Disponible sur quoi, t'as dit? Disponible sur la DS. Ah. Puis c'était disponible via le club Nintendo. Donc, tu peux l'acheter au magasin? Non. OK. Club Nintendo, c'est quelque chose qui marche avec les points, puis t'as pas le choix de faire affaire avec le club Nintendo. Il en reste-tu? Je te dirais, cherche ça, parce que... Tu sais, entre autres, là, je sais qu'au Japon, le jeu a vraiment eu un succès. Là. C'était vraiment c'est Balloon Fight en couleur, fait que ça fonctionne. Maintenant, j'en vois un. Le Club Nintendo DS Tingle's Balloon Fight Japan, 16,99. Tu sais, pas très cher. C'est pas si pire. Mais c'est parce que c'est pas un jeu qui a énormément de contenu non plus. Mais là. C'est juste japonais. Oui. Il l'a pas. Mais il y avait la version nord-américaine aussi, je m'en souviens. Ouais, okay. Puis j'ai vu la pochette. Fait que Tingle's Balloon Fight, c'est exactement la même chose. C'est sorti en 2007 sur DS. Puis, écoute, ça vaut la peine. Sauf qu'en même temps, tant qu'à payer 16$, moi je dis paye 5$ puis joue à Balloon Fight sur Virtual Console. Là, ouais. Tu vas triper au bout. Donc, c'est ça. Balloon Kid, achat. Balloon Fight, achat. Si tu achètes tous les deux, ça te revient à 10$, même pas, tu sais. Balloon Kid, tu veux dire, sur la Virtual Console. Ouais, Virtual Console, ça coûte 5$. J'imagine comme qu'en tu dis, vrai, c'est bon pour les parties, ça, en plus. C'est ça. Chacun avec sa manette de Wii, puis on joue à Balloon Fight, là. C'est parfait, je trouve, là. C'est un no-brainer, puis n'importe qui est capable de jouer à Balloon Fight, là. Personne qui sait pas comment ça marche. Non, c'est clair. C'est impossible. Fait que, that's it. Balloon, vive les ballons, t'as Les ballons. Vive les ballons. Alors, on est rendu au moment où est-ce qu'on va faire une chronique rétro nouveau. Yes! Hey, ça fait longtemps. Ça fait là. Tellement longtemps. C'était quoi la dernière? C'était pas Year's Revenge? Non, je pense que c'est A Boy and His Blood. Oui, c'était A Boy and His Blood. Ça fait très longtemps. Alors, on l'avait fait chez vous. Non, dans ta cuisine. Non, chez nous, dans ma cuisine. T'es bien fucké, man. Hey, je suis fucké. Elles sont une bière, là. Tu peux peut-être fatigué aussi, là. Mais donc, c'est ça. Ça faisait longtemps. Ben, on a sauté une semaine, puis on a eu Joël, on a eu des problèmes, donc ça n'a pas marché. On a eu des problèmes dans la tête. Ma maudite hotte. Ah ouais, ta hotte. Fait que là, en tout cas, là, on est de retour, et puis ta hotte n'a pas rapport. Non, c'est... Arrête de parler. Rétro-cuisine. Puis c'est ça, donc on va en faire un vrai là. On voulait le faire l'autre fois. D'ailleurs, on l'avait donné en teaser, puis là, on le fait genre un mois plus tard. Ah ouais, puis, bravo. Il s'agit là, encore une fois d'un jeu de hamburgers. Yes! Et ce sera Burger Time. Ouais. Parce que on en avait parlé, et puis parce que ben je me rends compte que ça fait trois jeux de hamburgers qu'on couvre maintenant, ouais. Trop nouveau. Pressure Cooker, McDonald's, Treasure Land, mais même s'il n'y a pas vraiment d'hamburger dedans, ben, ça rentre dans les hamburgers. À l'épisode de McDonald's, j'avais dit que notre invité serait José Di Stasio pour l'épisode. Mm. Elle n'a pas pu se présenter. Elle n'est pas là. Ben, elle n'est pas là, je ne sais pas où. Fait que José, si t'écoutes, on est vraiment triste. Ouais, puis tu nous en dois une. Ouais. Fait que soit que tu viens ou à un prochain épisode, on trouvera un jeu de cuisine. Ou viens m'aider à installer ma hotte. Ouais, ben oui. Ouais. Elle doit savoir comment ça se fait. Elle doit vraiment savoir comment ça se fait. Donc, pour les hamburgers d'aujourd'hui, moi, j'étais. Ben, maintenant que je suis détenteur d'un Intellivision que j'ai acheté hier, pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai pu jouer à Burger Time sur l'Intellivision. Nice. J'ai également joué sur le ColecoVision. Et j'ai joué à Burger Time Deluxe, que j'ai downloadé sur ma virtuelle console de 3DS. Oui. Puis, c'est ça. Donc, je vais parler un petit peu des trois, mais tu sais, c'est tout pareil, sauf Deluxe, là. Mais quand même, pour le Coleco, j'ai pas pu jouer longtemps. Parce que je pense que ma cassette est fuckée. Ça commence, ça vient tout pixeliser tout de suite. Puis malheureusement, j'ai pas pu jouer beaucoup. Mais j'ai joué plus à la version télévision. Puis on va expliquer c'est quoi Burger Time encore. S'il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi, là. C'est. Qu'est-ce que c'est à propos des burgers? C'est, y a des hamburgers là-dedans. Faut que tu piles. C'est fait sur des étages. Tu as des échelles. Tu montes des échelles, tu descends des échelles. C'est flat, là, à l'écran. Sur les étages, un peu partout, il y a du contenu de hamburger répandu. Excusez, le pain sur le dessus, la viande, une salade, puis le dessous du pain. C'est ça, à des étages différents. Sur des étages différents. Oui. Donc, ton but, toi, tu es un chef. Tu t'appelles Peter Pepper. Puis, faut que tu piles sur ces différents ingrédients-là. Oui. Puis, mettons, tu piles sur un pain en haut, tu as fini de piler sur complètement tout ce pain-là, il va te dropper d'un étage. Puis là, s'il y a un ingrédient sur cet étage en dessous, ça va faire tomber cet ingrédient-là d'un étage aussi, puis ça fait un effet de même de cascade. Donc, le but, c'est de faire descendre tous tes ingrédients jusqu'en bas de l'écran, puis ça s'empile dans le bas de l'écran, puis ça fait des gros hamburgers, dans le fond. Fait que tu te promènes à travers toutes ces échelles-là, puis des ennemis qui courent après toi, des saucisses, des pickles, des œufs. Vraiment, des adversaires de choix. C'est comme la vraie vie. C'est pareil comme dans la vraie vie. Ton cholestérol te court après. C'est pareil comme dans la vraie vie. Tous les matins, Chris, il y a des pickles qui courent après. C'est une tranche de vie, ce jeu-là. N'importe quoi. Fait que pour te défendre, t'as une poivrière. Ouais. C'est tout. C'est wow. Puis non, tu lui crispes pas dans la face, tu jettes du poivre sur les méchants. Ouais. Puis là, il souffre, tu sais. Alors, tu peux passer à côté, mais ils se tordent, là, ils ont mal, mais ça ne dure pas indéfiniment. L'agonie est très, très courte. Très courte, de très courte durée. Puis, c'est même pas du poivre de Cayenne, c'est poivrière normal. Ouais, ça fait pas très poivre, mal. Puis, mais ce qu'il y a de bon, par exemple, c'est justement quand les ennemis passent en dessous d'un ingrédient qui est en train de piler dessus, mm-hmm. puis tu le fais dropper d'un étage, ben, ça l'écrase. Yes. C'est ça le but là-dedans, d'écraser tes ennemis pour les tuer puis pour ouais. te faire de la place un peu. Ou ils te courent après. Tu piles vraiment en arrière de toi, tu piles sur ton pain, tu piles sur ton pain, puis là, tu fais tomber ton pain, puis lui, il tombe avec le pain. Puis ils peuvent tomber jusqu'en bas. Ça les tue pas, ça, par exemple, mais au moins, ça les fait sacrer le cas. Ça les fait descendre, c'est pas mal pratique. Tu les as pas après tes fesses. Non. Puis, ben c'est ça que tu fais, dans le fond. Puis, that's it. Tu ramasses, à un moment donné, il y a des goodies qui apparaissent, des frites, un pack de frites. Tu ramasses ça te donne quelque chose? Vieilles versions... Hey, je me suis fait tuer avant de me rendre, je pense. Mais en tout cas, donne des points. T'as même pas pu manger une frite. J'ai pas pu manger une frite. Je pense que j'ai vu un bac à bière apparaître à un moment donné. Ça donnait des points. Je pense que la frite tuait tout le monde dans okay. l'écran d'un coup. Hey, un bac à bière, c'est bien pour dire. Hein? Je sais pas si c'est ça. J'ai pas de livret d'instruction. Ouais, c'est peut-être la root beer. Ah ouais, mais c'était un B dessus. Ben, root beer. Root. Mais c'était jaune. Ouais, t'sais. Non, j'avoue, hein, jaune, B. Ça peut pas être grand-chose d'autre. D'après moi, c'était de la bière. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, tu ramasses ces affaires-là en même temps que tu te débats. Attends, je vais partir la vidéo. Je pense que c'est le curseur. Ah, tout le temps. Ah, tu vois, il y en a une frite, là. Attends, il va en pogner. Vas-y. Ah, yes. Des points. Fait que ça, c'est la version à la télévision. Ouais. Écoutez le beat, là. C'est le beat de Burger Time. Cool, cette tonne-là. Ça aussi, c'est une tonne happy, pareil. Ouais. Fait que, une autre bonne tonne de motivation personnelle. Il y en a plein des jeux de même de c'est pas Pac-Man, tu sais, mais c'est du monde qui te court après, tu sais. Ouais. Des jeux de même, tu te fais pourchasser vers des affaires, il y en a mais des moi, millions. J'ai tellement des beaux souvenirs par rapport à Burger Time. Mais Burger Time, c'est difficile. Ouais, c'est très c'est vraiment difficile. Les ennemis, ils ont des drôles de patterns. À force de jouer, je me suis rendu compte d'une affaire, c'est que... C'est pas aléatoire, ça, le pattern. C'est comme un peu aléatoire, mais à un moment donné, tu te rends compte qu'ils font des choses pas logiques. Si okay. t'es droit devant eux, ils vont te foncer dessus, mais ils peuvent prendre une échelle pour descendre. Ils ont juste que moi, je le vois plus. Ben, c'est qu'il y en a un autre pas loin, puis ils essayent tout le temps de te prendre en souricière. Okay. C'est ça qui est tricky là-dedans. Ah, parce que, il y aurait une intelligence artificielle. Il y a une certaine intelligence. Regarde les deux saucisses, là, ben, ils suivent. Mais là, il y en a une qui va descendre, puis l'autre, ben, il l'a fait tomber. En tout cas, il y en a une. S'il y en a deux qui courent après, ils vont splitter, puis ils vont essayer de te pogner, man. Les sales. C'est vraiment tough. Puis, c'est pour ça que dans ce jeu-là, faut pas que tu sois greedy. Faut pas que tu ailles nécessairement tout de suite à ton but. Oh oui. Faut que... Attends, il va pogner une bière. Oh! Et full point. C'est une bière. Donc, il faut pas que tu sois greedy et que tu ailles vers ton but immédiatement. Oui. Faut que tu prennes le temps d'essayer de les rassembler, tu sais, pour qu'ils courent tout après d'un coup pour les écraser. Ou s'il te reste juste un pain à faire descendre, tu sais, vas-y pas parce qu'ils vont pogner en souricière, tu sais. Fais un gros détour, puis là, ça va comme les faire aller un peu plus loin. Mais là, des fois, tu sais, tu te dis comme, ah, ça ferait tellement un bon coup si je faisais tout tomber. Moi, je me souviens qu'une affaire que je faisais tout le temps à Burger Time, c'est que je passais sur la croûte ou la salade, je sais pas trop, ouais. quasiment jusqu'à la fin. Puis là, quand je les préparais pour pogner les autres ennemis en dessous tout le temps. Là, absolument. C'était comme un malin plaisir. Ben, il faut faire ces affaires-là. Ouais. Ouais. Tu commences un peu, puis tu n'as pas le temps de les continuer, fait que tu changes de place. Là. Ouais. Fait que c'est bien. C'est spécial pour ça, je trouve, la façon dont tu fais tes niveaux. Là. Puis à chaque tableau, ils sont différents. Ils sont de plus en plus compliqués. Mm-hmm. Puis tu as de plus en plus des cul-de-sac là, que tu te ramasses dans des raccoins. Là, la vitesse change-tu? La vitesse change aussi. Okay. Les ennemis se mettent à aller beaucoup plus vite. Fait que non, c'était bien le fun. Fait que ça, c'est pour les versions classiques. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que c'était fait par Data East. Oh, nice! Un grand classique. C'est sorti l'arcade en premier, mais ça a été porté sur toutes les consoles de la Terre. Ouais, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de version Atari de ça. Il y a une version... Oui, il y a une version Atari. Ouais, une version Atari. Puis, il y a une version NES aussi. Mais j'y repensais tantôt, là, en m'en venant ici. Puis NES. Moi, ça me fuck, tu sais, les versions NES de jeux d'Atari, puis qu'on recoupe des vieilles versions. Tu sais, il y a une version NES de Joust, ou Joust, comment est-ce qu'on dit? Moi, je dis Joust. Joust, il y a une version NES de Defender. Ouais. Une version NES de Popeye, tu sais. Ben, sur une 32 dans un, ça marchait, là. Ouais, c'est ça. Non, ben, tu sais, c'est des premiers jeux de NES, quand même, là, mais tu sais, c'est tellement faible, tu sais. C'est ça. Tu compares ça à Mario Bros. 3, tu sais, Castlevania 3, Super Contra, tu sais, Defender, un jeu d'Atari sur une NES. C'est ça. Hey, moi, j'ai amené Jackal. Ah, moi, j'ai Burger Time. C'est tellement de la merde. Tu sais, jamais, là, que je vais acheter ça sur une NES. Là. Non, c'est jamais, ça. Jamais. Mais je me suis gâté, là, vu que mon jeu de Coleco marchait pas. J'ai acheté sur la 3DS. Pour faire la critique rétro. Pour en faire la critique. Burger Time Deluxe, qui est paru sur le Game Boy. Puis écoutez ce que ça fait sur la 3DS quand tu sélectionnes un jeu de Game Boy. Ah! Oh, ça fait comme quand tu ouvrais un vieux Game Boy, man. Ouais. Pareil. Moi, c'est vraiment cool. J'ai adoré ça. Ouais. Excusez. Donc, quand même, Nintendo, la nostalgie. Oui. Colin qui comprend. Ça, c'est tellement intelligent juste de faire cette petite chose-là. Brillant, là, c'est vraiment brillant. C'est un minuscule détail. Fait que Burger Time Deluxe, c'est la même affaire, mais en plus funky, tu sais. Les personnages sont plus animés. Les personnages sont comme ronds un peu. Ils sont le fun. Ça sont fait un peu japonais. Ouais. Puis le background aussi est un petit peu plus poussé. Puis, il y a une petite storyline, en fait, là, que j'ai vu au début. Il y a un restaurant de Bang à côté de ton restaurant de burger. Okay. C'est comme le chef du restaurant de Bang qui envoie les méchants ingrédients après toi. C'est un peu ridicule, mais tout de même sympathique. Puis, il y a des cinématiques, tu sais, entre les stages, des affaires de même. Fait que, mais c'est vraiment le même principe. Puis, de quoi qu'il y a de bon, alors, ce qu'il y a de très intéressant aussi, c'est que les stages, au lieu de tout le temps, tout fitter dans le même écran, là, ils vont plus large. OK. Fait que tu peux aller plus à droite, plus à gauche. Tu sais, ce sont vraiment des fois deux écrans de large. OK. Là. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que c'est de luxe, là, cette question-là. Ben là, on le voit-tu, là, ici. Ouais, mais on voyait panner un peu de gauche à droite. En tout cas, je peux pas te le montrer. Déjà, non, en tout cas, il me donne pas mal le goût, moi, ça. Puis il est juste 3$, là. Moi, j'irai le chercher. Au début, je rushais, tu sais. Je me disais, ah, maudit Burger Time, c'est donc bien dur. Puis là, je me suis forcé le cul pour la critique, tu sais. Puis finalement, j'ai pogné la twist un peu. J'ai découvert le pattern des ennemis que j'expliquais tantôt. Puis avec la musique, tout ça. Puis il y a aussi un système de password pour celui-là. OK. Donc, ça marche le monde 1. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, comme à Mario Bros, finalement. Okay. Donc, tu as un password après le quatrième du même monde. Okay. Fait que moi, ça m'a réconcilié un petit peu, là, parce que repartir du début à chaque fois, là, c'est chiant, parce que c'est vraiment dur. Tu sais. Mais ce qui est le fun aussi, c'est à 3DS, c'est que tu peux mettre un point de tu peux décider. Ah, t'arrêtes ça là, puis ça d'enlever ta game, puis ça reste à la même place. Ouais. Quand si tu arrêtes de jouer à Burger Time, tu fais out, tu sors de ta game, elle va rester direct là. Tu vas pas la perdre. Comme ça à Wii, quand tu joues un vieux jeu. Là, non, c'est cool ça. Mm. Donc, quoi d'autre là-dessus? Cool, Burger Time Deluxe. Ça a-tu été développé par Dataist aussi? C'était Dataist aussi, me semble-t-il. Ouais. En plus, c'est le même cover que sur le NES. OK. Donc, non, j'ai bien aimé ça. Je trouvais ça très joli. C'est cool, ça. Alors, mesdames et messieurs qui n'avaient jamais joué à Burger Time, vous êtes sûrement pas nombreux, mais si vous avez une 3DS, allez vous chercher ça tout de suite. C'est vraiment pas cher. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait un Burger Time Deluxe pour iPhone, iPod Touch et version iOS finalement. Puis je trouve ça lettre. Il est pas bien beau, hein, le cuisinier, il est comme tout grand mec, il a l'air du gars dans Ratatouille. Puis, dans Ratatouille. Puis regarde dans le background, il y a comme une ville, puis de la neige, puis c'est quoi ça? Je sais pas ce qui se passe. Tu te promènes pas, t'es pas dans une. Tu sais, comme pas un dans gros une cuisine. Poisson coille en arrière. T'es en ville, tu sais, mais là t'es devant un restaurant, mais. C'est tordu, c'est hein, dommage, parce que des fois les gens essayent vraiment d'en faire trop. Ouais. Là, la base était vraiment excellente. Là. Ça me semblait vraiment pas nécessaire. Ouais. Bon, ben, coudonc. Ouais, le monde le sait, mais. Je l'achèterai pas. Bon, ben, moi, maintenant, je vais vous parler de la réimagination de Burger Time. Oh, yes. Il est sorti récemment sur XBLA, puis une semaine plus tard sur PlayStation Network. C'est environ 10$ le jeu. Ça s'appelle Burger Time World Tour. 10$? 10$. OK. Y a-t-il des jeux neufs, récents, qui sortent, qui sont moins que 10$? Ça m'aiderait. Non, Dominique. Okay. D'accord. C'est souvent 10$. Il y en a qui sont 5$ quand même, ça existe, là, mais 10, c'est pas mal plus ça. OK. Burger Time World Tour, à vrai dire, ce que c'est qu'on a encore le même personnage dont je me souviens plus le nom. Peter Pepper. Peter Pepper, exact. Puis pourquoi il fait le tour du monde? C'est parce que Peter Pepper, il y a un autre cuisinier qui lui fait compétition. Puis pourtant, c'est Peter Pepper qui fait les meilleurs burgers au monde. Ouais. Mais un autre gars qui fait des meilleurs burgers que lui. L'histoire est complètement loufoque. J'ai pas vraiment compris le lien avec les tableaux. Là. J'ai trouvé que c'était un peu louche. Surtout que graphiquement, c'est pas super. Tu sais, j'aurais trouvé que ça aurait pu être pas mal mieux que ça. Ouais, Peter Pepper est pas aimable, pas en tout. Tu sais, moi, je veux dire, Burger Time, pour moi, c'est comme le classique. Là. Tu mets un gros bonhomme avec une grosse moustache. Ouais, bien enveloppé, bien fun. Ouais, là, il vraiment... Lui, il est comme maigrichon avec une petite bedaine. Puis quand tu joues avec, tu vois que c'est comme une espèce de grosse paille. Il ressemble à Gumby. Je l'aime pas bien, bien. Bref, la grosse différence qu'on va voir dans World Tour, premièrement, il y a une chier incroyable d'informations à l'écran. Ouais. Ça ben, c'est aucun chargé, sens. Cet écran-là, c'est tellement c'est chargé, là. T'as plein de stocks à l'écran. Puis, on fait encore la même affaire. Là-dedans, on va sur différents niveaux, différentes hauteurs. Puis, il va falloir faire descendre le pain, la boulette, la salade et tout le kit. Ouais. On va avoir encore des ennemis qui vont nous poursuivre, comme les cornichons, les pickles. Les cornichons puis les pickles, ben oui. Les cornichons, les saucisses. Il va avoir aussi des œufs. Il va avoir aussi du bacon qui va nous suivre. Là-dedans, une chose... Ça, moi, je me sauverais pas. Venez! Ouais, c'est venez, ça! Jeux et bacon! Saucisse! Déjeuner qui court après! Excuse, continue! C'est parce que j'ai faim, là, dans ouais, moi, avec, j'ai faim, là, Colin. On parle de bouffe depuis tout à l'heure. Fait que c'est ça, mais la plus grosse... Tu sais, j'ai dit tantôt qu'il y avait vraiment trop d'informations à l'écran. Une autre affaire qu'on remarque dès le départ, c'est que le tableau est fait comme sur un cylindre. Ouais, tu tournes c'est autour. C'est en rond, tu tournes autour. Ça, là, ça va super mal quand t'as plein d'informations à l'écran parce qu'on voit pas venir les ennemis. Ouais. On voit pas où on s'en va, on voit pas ce qu'on fait. Ce qui est le fun dans le Burger Time original, ben dans les originaux, c'est tout ceux-là dont t'as parlé, c'est qu'on voyait notre objectif. T'sais, on voyait, il était où, l'autre burger. Ouais, on savait qu'est-ce qui nous manquait. OK, je vais-tu à lui? Il y a comme un gros côté stratégique à ce jeu-là. T'sais. Fait que là, tu deviens, à un moment donné, un peu perdu parce que tu es complètement perdu. Tout t'as le pas temps. De carte. Ouais. T'es tout le temps perdu. Fait que t'avances. C'est plus quel burger qui est pas fini. Puis... C'est ça. Parce que ça a l'air gigantesque. Parce que tu fais pas juste tourner autour. À un moment donné, au départ, dans le ciel. Là, ouais, c'est ça. Tu montes jusque dans le ciel. C'est parce qu'au départ, les jeux commencent tranquillement. Mais déjà, le premier tableau, je l'ai trouvé quand même complexe. Ouais. Mais c'est quand même simple. Au premier tableau, je me suis dit, OK, je suis pas convaincu, mais ça peut marcher. T'sais. Mais là, à un moment donné, là, ils commencent à te mettre des plateformes qui montent dans les airs et tout ça. Puis là, tu fais... Oh boy! Par contre, Monsieur Pepper peut sauter aussi. Ouais. Chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Par-dessus les ennemis? Peut sauter par-dessus les ennemis. Okay. Peut sauter d'un étage à un autre aussi. Donc ça aide beaucoup. Il peut aussi se battre. Se battre? Ouais, tu peux donner un coup. Tu peux envoyer du poivre encore. Ouais. Mais tu peux aussi donner des coups. Mais quand tu donnes des coups, c'est parce que t'as eu une arme. T'as des petits items que tu peux ramasser, comme des points américains. Une espèce de spatule, des trucs comme ça. Peut-être pas des points américains, mais des trucs qui vont te permettre de t'apocher un œuf ou du bacon. Fait que c'est bien, tu sais, je veux dire, ils ont ajouté une tonne de trucs qui fait que sur papier, le jeu il est vraiment intéressant. T'sais, le concept est là. C'est une amélioration du concept initial. Ouais. Sauf que le tableau en cylindre, ça marche pas. Ouais, hein? Le personnage principal est pas intéressant. On l'aime pas vraiment. Puis en plus de ça, les contrôles sont pas super bons. Quand tu sautes, il y a comme une espèce de légère millisecondes avant que ton bonhomme saute. Okay. C'est une affaire de réflexe, Burger Time. Fait ouais. Faut comme que tu arrives à jouer avec les lacunes de ces contrôles-là. Il y a aussi une arme que j'ai attrapée à un moment donné où je pouvais... on peut attraper des un œuf, admettons, ou du bacon ou une saucisse pour la lancer. Ouais, j'ai vu ça tantôt. Quand ils sont stonnés par le poivre. Mais quand ils sont stonnés, mais tu peux les pogner aussi n'importe quand, sauf que si t'es pas là à un pixel près de l'ennemi, ça marche pas. C'est chiant, ça. Fait que ça va mal. T'sais, c'est vraiment, ils te donnent pas aucune chance. Puis t'as aussi des roquettes qui te permettent de te lancer dans les airs. Fait que il y a plein d'éléments dans le jeu-là qui sont super le fun, mais la base fonctionne tellement pas, là. On oublie totalement tout ce qui a rendu l'original intéressant au final, là. Ça. Parce que, tu sais, je peux pas croire, là, les gens qui ont créé ça, c'est Monkey Paw, un développeur que je ne connaissais pas. Ça les a pris un méchant bout avant de sortir le jeu. Ils l'annoncent depuis, écoute, ça fait depuis la fin 2009 qu'ils annoncent ça, puis ça vient de sortir. Fait que, tu sais, ça prouve qu'ils ont eu des problèmes avec le jeu, ça n'a pas super bien marché. Dataist, évidemment, fait pas partie, ouais, c'est du, ça. Fait pas partie du projet. Fait que, pas terrible. Il y a un multijoueur là-dedans, ouais, c'est ça, mais j'ai pas pu jouer, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Je pense vraiment là, que je suis le seul moron qui a acheté ça pour notre crotique. Ça le dit. Mais chronique rétro nouveau parce qu'il fallait que ça se fasse pour pas que certains d'entre vous. Ben, il faut le faire. On se sacrifie. Non, ouais, on se sacrifie puis, pour la cause. Mais j'ai vu qu'il y avait des boss. Il y a des boss. Ouais, il y a des boss, mais ils sont pas vraiment compliqués là. C'est, okay. C'est encore une affaire de ramasser des items pour pouvoir les lancer ou de peser sur des switches pour pouvoir lancer des projectiles. Ok. À la base, le jeu est vraiment intéressant, mais visuellement, on est perdu, on voit rien. Regarde ça, quand on voit le personnage de proche, là... Mais ça, c'est bien laid, ça. C'est le trailer. Laid, là. Puis c'est comme... Il est square au max, là. Ouais. Il y a des espèces de doigts de méthane aussi, tu dis... Merde, touche tellement pas à mes burgers. Ah, ouais. Puis c'est drôle parce que Destructoid, ouais. Ils ont écrit, puis... ils ont écrit là-dedans que c'était, dans le trailer, que c'était un des meilleurs jeux d'une convention, tu sais. Destructoid, ah, ouais. Monsieur Destructoid, l'emblème de Destructoid, est jouable dans le jeu. Ah, OK. Fait que faites-vous pas berner, là, vraiment, là. Ah, ouais, c'est bien poche, ça. C'est vraiment poche. J'ai trouvé ça poche parce que d'habitude, Destructoid sont quand même assez fiables, là, mais. Ça, là, regarde. Puis si tu regardes toutes les mentions dans le trailer, c'est comique parce que c'est toutes des mentions là, génériques, là, comme, mettons, tu regardes des mentions pour un nouveau film, puis que c'est écrit, c'est vraiment le film de l'été. Puis là, tu sais, il y a comme trois petits points à plein de places dans la phrase. Ouais, ouais, tu sais, prennent les trucs hors contexte, puis ils en font leur slogan. Bref. Pas terrible. Vraiment, là, vraiment pas terrible. Puis toutes les impressions qui ont été écrites dans le trailer ont été écrites avant que le jeu sorte. Ouais, hein, c'est ça. Il y a du monde qui écrit full d'affaires. Mais... Ouais, mais tu sais, eux autres, ils écrivent des previews. Puis le développeur s'est dit, ben, non, merde, nous autres, on écrit là-dessus. Mais. j'ai vu WiiWare ici. Oui, il va sortir sur WiiWare, mais il n'est pas sorti encore. Okay. Il va sortir aussi pour Windows. Pour PlayStation. Ouais, tout le monde. Ouais. Vous allez tous pouvoir ne pas l'acheter. Ne pas l'acheter. Écoute, il n'y a pas d'autre mot. C'est de la merde. Ça marche pas. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas réussi. Fait, triste. Triste. Faut rester avec toutes les Burger Time dont tu as parlé tantôt. Et Burger Time de luxe au Game Boy. Au Game Boy. Ça, c'est une découverte pour moi. Ce soir, je ne le connaissais même pas. Puis je vais aller me l'acheter tantôt. Ouais. Fait que non, Burger Time World Tour. OK, donc, pour terminer, on voulait vous dire, grande tristesse, que la semaine prochaine, ça va être le dernier épisode de Rétro Nouveau pour 2011. Ouais, déjà. Puis on va faire, comme Nintendo. Comme tout le faire, comme ouais, tout le monde. Tout le monde. On va faire une petite rétrospective de l'année. Oui. Les jeux. Ben, tu sais, moi, hein, je peux pas vraiment parler. Moi, là. Moi, là, là. Je vais pas nécessairement vous parler des jeux, de mes jeux préférés de l'année, parce que j'ai ouais, aussi à des vieilles affaires. Ouais. Puis, ben non, mais on peut tout simplement parler des jeux, jeux qu'on a joué cette année. C'est ça, les jeux que j'ai joué cette année. Moi, cette année, j'ai joué beaucoup, mettons, à Journey to Silius. Exact. Fait qu'il risque d'être dans mon top. Ouais. Puis, c'est ça. Donc, on va se faire un petit top, là. Ouais, je sais pas trop comment est-ce qu'on va le formuler, mais on va se faire un Greatest Hits. D'accord, mais c'est un Greatest Hits. Ouais, donc pour le prochain épisode, on va faire un wrap-up de notre année qui a commencé quand même au mois de juillet. Là, ouais. Donc, on a manqué de janvier à juillet parce que le podcast a commencé là. Donc, ça va partir de là, dans le fond. C'est ça. Mm-hmm. Puis, donc, ça va se poursuivre aussi sur le web. N'oubliez pas d'aller sur notre site, très important, parce que on met bien des affaires là-dessus, puis on va continuer. Continuer à mettre du stock, même si on a, la semaine prochaine, c'est notre dernier épisode. On va continuer à mettre du stock sur notre blog jusqu'à c'est Noël. C'est ça, exact. Puis vous pouvez nous parler sur Twitter, sur Facebook, n'importe quoi. Sauf que c'est ça, évidemment, c'est les fêtes. Donc, qui dit les fêtes dit party, bureau, dit pas là. Ouais, c'est ça. Dit mononucléose écœurante. Ah ouais. Moi, je vais être à l'extérieur, là. Fait que je risque de pas contribuer sur le blog. T'sais, c'est ça. On va se casser la tête. Ben non, tout mais. Tout le monde est en congé. Tout le monde est en congé. À un moment donné, faut pas virer fou non plus, là. Puis même côté. Côté sortie de jeu ou truc intéressant, ça va être fait, c'est assez faible à partir du 18 décembre environ. Il n'y a pratiquement plus rien qui se passe jusqu'à l'année prochaine. Fait que, regarde. Moi, de toute façon, je continue à la TV. Mon dernier show de Monsieur Nat cette année, c'est le 22 décembre. Ouais, c'est ça. Fait que. Moi, ça me donnait le temps de finir une couple de jeux que j'ai commencé. Ouais. Je veux continuer Renegade Ops. J'aimerais ça le finir. Ouais. J'ai starté un gros jeu de Wii qui me prend bien du temps. Là. J'aurais pensé faire la critique cette année, mais ça va être l'année prochaine, là, finalement. Ah, c'est pas grave. Ça. C'est bien correct. Je veux l'explorer comme il faut. Là. Donc ouais, là, vraiment, je vais rien acheter, justement. C'est je ça. Vais jouer à tout ce que j'ai acheté. Puis, je vais faire le point. Parce que justement, en revenant des fêtes, là, je suis sûr que l'épisode va être gros en tabarnouche parce qu'on va avoir joué avec les affaires. On va avoir eu des jeux dans le temps des fêtes aussi. Je demande rien que des jeux. Des mais moi aussi, dans le temps des fêtes, je profite énormément des fois au Toys R Us ou au Walmart qui ont des espèces de rabais de fou, genre acheter un jeu, obtenir deux gratuits. Là. Absolument. Parce que tout le monde les a déjà achetés. Fait que je vais probablement tout pogner mes gros titres à ce moment-là. Puis... Ouais. Attendre entre le jour de l'an. Là. D'ailleurs, j'avais fait ça l'année passée sur mon blog de Papa Cassette. J'avais fait un wrap-up là, de tout ce que j'avais eu pour Noël. Là, dans le fond. Fait que... mes cadeaux de Noël, ça fait que j'ai acheté aussi. Là. Ah non, mais on va en jaser. On va en parler. C'est vraiment cool de partager ça avec vous autres. J'aimerais ça aussi au prochain épisode. On pourrait faire ça, dans le fond. Ce qu'on met sur notre liste de Noël, là, ouais, les jeux qu'on aimerait avoir, ben oui, pour boucler l'année là, dans les trucs qu'on n'a pas encore, qu'on a passé à côté, ou les vieilles affaires qui pourraient être le fun. Ouais. Moi, j'aimerais bien avoir... c'est mon nouveau jeu, j'aurais pas ça pour Noël, là. Mais j'ai vu qu'il y a une suite de Bugger Time qui est sortie exclusivement sur l'intellivision. Ça s'appelle Dinner. Okay. Comme un dinner, là, okay, drive-in, tu sais. Mais c'est comme en 3D, il y a une perspective. Au lieu de te voir flat dans l'écran, tu vois une profondeur. C'est un jeu extrêmement rare dans la télévision. Okay. Il vaut à peu près 100$. Wow. Fait que je vais sûrement acheter ça un jour, là, avec, avec Sword Quest Waterworld. Ouais. Tu sais, genre des jeux là, vraiment pas bons, mais... tellement peu connu là, plus tard en tout cas. Mais je voulais juste le mentionner. tu veux me faire un cadeau là? Ouais, c'est ça, un petit cadeau de 100$. Ouais. Ah ben c'est bon. Fait que écoutez, à la prochaine. Puis merci énormément. On n'arrête pas de recevoir des bons commentaires de tout le monde. Ouais. Puis n'hésitez pas, hein, écrivez-nous, donnez-nous vos commentaires, suggestions de sujets, de jeux. On tripe tout le temps. Ah, complètement. Puis, s'il y a des affaires que vous aimez moins aussi ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire. Là, nous, on n'est pas. On est loin d'avoir la vérité absolue. Non, c'est ça. On se laisse aller. Puis, on n'est pas des affaires voudriez qu'on améliore ou des trucs que vous trouvez qui manquent. N'hésitez pas une seconde. N'hésitez pas du tout. Puis, c'est toujours apprécié. C'est toujours très bien reçu. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Bye. Retro Nouveau.